Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Enfin, vos efforts commencent à payer. Et quel fait ? Votre accord, arraché à Monsieur Zimmermann, l'adjoint au maire, est plus que profitable. Vos moyens prennent rapidement de l'ampleur, quand bien même cette source pourrait se tarir plus vite que prévu pour bien des raisons, la somme d'envergure difficilement dissimulable étant au sommet de la liste. Vient le temps alors d'utiliser votre corne d'abondance au profit d'une organisation, d'une structure plus concrète. Des hommes de main, des planques, un réseau professionnel, des amis partout où il faut en avoir. L'empire qu'on vous a promis n'a pas encore vu le jour, il est vrai, mais il n'est plus question d'en rêver à présent, mais bel et bien de le bâtir. Une dernière basse besogne, cependant, doit être effectuée. En cette nuit noire, Les pluies torrentielles des derniers jours se sont tues aussi soudainement qu'elles étaient arrivées, et le froid a fini de recouvrir la ville qui ne dort jamais d'une épaisse couche de glace, venant remplacer la neige ainsi disparue. En cette nuit noire, file dans le ciel l'inquiétant symbole de la chauve-souris, projeté depuis le commissariat central de Gotham. Un subterfuge d'après certains, un véritable moyen de communiquer avec la bête d'après d'autres. Peut-être un peu des deux. Votre mission, donnée par l'étrange individu qu'est le hacker précoce Ulysse, est simple en apparence. Vous rendre au point d'intérêt, une planque d'armes de l'époque Falcone dans les égouts. Ouvrir la porte, protégée par un système informatique semble-t-il plus compliqué que le suppose sa date d'installation, et récupérer tout ce qui pourra y être trouvé. Une fois cela fait, se rendre immédiatement au lieu de rendez-vous avec le bonhomme, dans le quartier du Cauldron. Une fois la cargaison reçue, votre récompense vous sera remise. Le pouvoir absolu, ou plutôt, l'opportunité d'un pouvoir absolu, avec la destitution de vos cas. À nouveau, donc, vous voilà, flottant au gré des reflux acides des sous-sols obscurs de la ville aux mille vices. Sur votre zodiaque. Quelques regards se sont posés sur vous en chemin, des sans-abri et des individus louches en cavale, mais aucun n'a osé vous adresser la parole, aucun n'a osé vous suivre. Vous êtes seul, arrivant finalement devant la fameuse porte. Un colosse de métaux lourds, de toute évidence blindé si ce n'est plus, dissimulé au sein des briques sombres par une teinte volontairement noircie. Aucune poignée, aucune serrure. Et en arrachant quelques-unes des dites briques, un pavé numérique. Un pavé numérique bien récent. Alors, on est d'accord que on est sapé en Black Mask. Parce que on va pas y aller essayer de fracturer une porte et tout le tralala, avec nos visages à découvert. Sinon, le premier pélos qui nous voit, on est grillé, tu vois. On va... Le problème, c'est que Black Mask... Black Mask quoi ? Ça reste une... Enfin, c'est pas comme le celle du d'une vie d'antan à l'époque où Gotham était dans un tout autre état avec le Red Hood gang. C'est pas la même chose. Enfin, là, nous, c'est pas une vraie identité secondaire qu'on a. C'était juste le temps d'une mission. Et je sais pas si c'est une bonne idée de commencer à les faire exister en dehors de ça. Parce que sinon, on va pouvoir l'assumer, quoi. Bah après, ça peut aussi créer des tensions, parce que si c'est la planque, entre guillemets, de The Whale, si il venait à voir que des Black Mask sont rentrés chez lui parce qu'on n'aurait pas vu une vidéo ou une caméra, quelque chose, ça pourrait créer des tensions entre The Whale et Black Mask. Et... potentiellement, ça peut jouer en notre faveur. Je suis pas sûr. Pour le coup, je pense d'autant plus qu'on a ouvertement provoqué Black Mask. Mais on va pas y aller avec des visages découverts. Parce que là, on non, se tire une mais, balle. Non, c'est plus la question d'utiliser les Black Mask alors qu'ils sont déjà en train d'être utilisés pour créer une identité qui provoque Black Mask en lui-même. Le problème, c'est que plus on va l'utiliser et plus on va aussi les mettre sous la lumière et aussi se mettre en danger. C'est-à-dire que. Si on y va là, sachant que c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec tout ça, qui nous a mandaté, qui nous a dit va aller voir là-bas, qu'on y va en Black Mask, ça veut dire qu'il fait le lien très facilement. Tu vois, c'est, oui, bon, ça c'est pas faux. C'est pas faux. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que de toute façon, Black Mask, on l'a déjà fait chier à un point où on est tout à haut de sa liste et c'est la première chose qu'on veut voir mourir. Enfin, c'est lui qui veut voir mourir nous, mais lui aussi, lui et nous, enfin, bah, tu comprends. Donc, de toute façon, nous, rajouter de l'huile sur le feu, c'est juste beau. C'est pas ça le problème. Enfin, moi, pour moi, le problème, c'est juste envers nous-mêmes qu'envers qui que ce soit d'autre, en fait. Sous Black Mask, on peut en avoir rien à faire de tout ça. C'est juste vis-à-vis de nous et vis-à-vis de l'utilisation de cette fausse identité qu'on a. Où je suis pas sûr que ce soit pertinent de les sortir pour ça. Mais moi, je pense que oui, parce que ça peut être. Il peut y avoir des caméras, on sait jamais. Ce genre de porte peut toujours avoir. Mais bien sûr, mais on peut y aller. Mais le truc, c'est qu'on peut être masqué sans être Black Mask. Parce que là, on les a, les trucs. Mais après, ça peut être rigolo. Diviser pour mieux régner, et moi, je dis autant faire guerre entre The Whale et Black Mask. Je suis presque sûr que ça marche pas, parce qu'on sait que Black Mask, du coup, ayant attaqué Black Mask, ne sont pas ensemble. Au pire, on garde le rouge et on refait un gang de Red Hood. Et non, parce que s'il y a le Red Hood, moi je suis en première ligne. Parce que les gens ils savent que à un moment donné j'ai porté. C'est pour ça qu'on a changé de couleur à la base. Ah, oui. Non, mais au pire, c'est pas grave. Parce que, mais moi je pense juste que sur le long terme, c'est peut-être pas pertinent de sortir comme ça cette identité avec masque. Donc il faudrait voir plusieurs masques pour se cacher. Ou alors ne pas avoir, en tout cas, enfin, pas un qui est lié à un alter ego, parce que pour le coup, les Black Mask ont une espèce d'identité qui commence à être oui, propre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, nous, on ne peut pas se permettre, à l'heure actuelle, même si on a quand même fait de la thune, donc il y aura forcément des masques. Oui, parce que juste en avoir qui ne sont pas liés à une. Le pingouin. Un alter ego. J'ai une idée. On va tous les faire. Non, en vrai, c'est juste avoir des cases et masques, ce que vous voulez pour ce casse-là, mais juste ne pas lier ça au Black Mask, qui est déjà un alter ego qu'on a, et qui est déjà en rang de ce fight avec Black Mask. Après, moi, franchement... Sachant qu'encore une fois, il y a l'argument qu'on a été mandaté par quelqu'un d'autre, et que s'il y a un lien, il peut être fait très facilement entre nous et les Black Mask. Et dans ce cas-là, on est vraiment dans la merde, parce qu'on se met tout le monde à dos. Je vois l'idée. Après, c'est pas déconnant. Oui, pardon. Ah, t'as dit valider. Moi, je croyais que tu validais, c'est tout. Ah non, je vois l'idée. Ah, je vois l'idée. Ah, désolé. Avec ton accent yougovien, on t'en comprend pas toujours. Non. C'est pour ça qu'il faut qu'il parle anglais. Bon, vas-y. Oui. Vas-y. Donc, The Whale. Est-ce que lui, il a un masque aussi? Je crois pas. Hein. Je crois pas. Parce que Parce que, à la limite, on prend masque de baleine, comme ça, et si la caméra. Fait le coup, chez eux, on prend le masque. Et on signe. Et on signe The Whale. Non, à chaque fois que tu fais un truc dans un endroit qui appartient à quelqu'un, tu prends le masque qui correspond à ce que... Exactement. Pour revenir au truc, je pense juste que on sort pas les black masks, on prend juste autre chose pour masquer nos visages. Bah des cagoules. Et après c'est pas déconnant. Il y a plus le MJ. Donc maintenant des Genesis. Donc Mokosh arrive. C'est bon. Le MJ est revenu. Non, en vrai, c'est pas déconnant. D'avoir des masques des super vilains de la ville et de les changer. Genre, on a une face Joker, on a une face double face, une face. Épouvantail aussi. Ouais, ou épouvantail, tu vois. En vrai, si c'est réfléchi qu'on arrive à en faire quelque chose, ça peut être intéressant. Mais ben, ça peut être le gang le gang des clones ou un truc comme ça, tu sais. La gang des clowns. Des clowns. Des clowns. Ou alors s'appellerait les usurpateurs. Pour le nom, on verra pour le nom. Les usurpateurs. Nous sommes les usurpateurs. Ouais, bien sûr. Mais pourquoi on se met pas un masque du clown pour aujourd'hui? Moi, franchement, ça me ferait rigoler de mettre un masque de Joker, ouais. Tout chacun. Et comme on a une imprimante 3D, eh ben on peut faire des masques comme ça, et personne nous a dit comment on les a fait, tu vois. On les a fait faire. Masque de Batman. Ou de Batman. Oh, ça va plaire. Ça va plaire à notre ami. Ça va plaire si à notre jamais... ami, c'est très bien. Si jamais on parle là-dessus, il faudra juste être prudent, toujours, parce que ça veut dire que on va énerver plusieurs personnalités et qu'il faudra toujours faire en sorte qu'il n'y a pas de lien direct entre nous et eux, parce que sinon, en fait, enfin, en gros, qu'on puisse pas nous retracer. Est-ce que ça veut dire que, en fait, plus on va se mettre de gens à dos en même temps, plus ils comprennent en fait que c'est la même personne qui les tétille. Il y a moins qu'ils fassent morcement ensemble, on les défonce et après ils se refoutent sur la gueule, quoi. Donc voilà, il y a juste ça pour faire attention, mais sinon ça me va. Yasmine. Batman. Oui. Batman initial, ça va être BM. Parfait pour le cinéma. En vrai, le Batman, il est rigolo. Et ben, on fait des masques de Batman, si tu veux. Mais pas besoin, je vais les acheter à la pizzeria. Ouais, mais avec un peu plus technologique, quand même. Pas avoir des masques en plastoc dégueulasses, quoi. Non, là, moi, je vous propose un clown. Ça peut être très rigolo pour aujourd'hui, vu qu'on va acheter des armes. Démocratie, choisir Batman. La démocratie choisit Batman. Voilà. Démocratie a gagné. Bon, et bah écoutez, soit, allons-y pour Batman. Alors, toujours avec les voix difformées, hein, on est bien d'accord. Exactement. Donc, vous êtes bel et bien ce soir recouvert donc intégralement avec des tenues de noir, un peu ce que vous aviez un peu pour le cambriolage aussi, pour ainsi dire. Si ce n'est que cette fois-ci, du coup, au lieu d'avoir le fameux masque plastifié entièrement noir, vous avez. Un masque de Batman. Alors, une approximation de ce qu'est supposé être Batman, hein, vu que, bon, il a jamais vraiment été trop vu, mais un truc avec des oreilles, une tête un peu de chauve-souris, voilà, c'est ce que vous avez. Bon, ben, on arrive devant, j'imagine. Ouais. Donc, voilà, vous arrivez devant, je vous rappelle donc ce que j'ai dit, donc une espèce de porte, a priori très épaisse, qui a l'air très blindée, il n'y a pas de vitre, il n'y a pas de poignée, il n'y a pas de serrure. Seulement en fouillant un peu, en enlevant quelques briques qui sont à côté, qui ont l'air d'être mal engencées, il y a un pavé numérique derrière, un pavé assez moderne, et c'est tout ce que vous avez. Puis, est-ce que tu as les moyens de... qu'on puisse tous les deux regarder pour craquer cette ce pavé, parce que bon après j'ai pour ma part j'ai des compétences en informatique, mais du cambriolage quoi en gros, donc plus se mettre en commun, toi tu craques le truc et puis moi j'essaie de trouver l'endroit pour placer tes outils quoi. Ouais, ben moi ça me va, comme ça je te montre aussi, comme ça t'apprends aussi. Du coup, je vais essayer de regarder sur le boîtier s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait ressembler à un truc que tu puisses démonter pour avoir accès du coup aux enfin à te connecter dessus quoi, je pense, je veux dire. Et ok. Eh bien, alors attends que j'aille sur la bonne fiche. Je vais te demander un jet de attention et rentrera en jeu ton tes capacités d'informatique et un peu d'artisanat. Ok. Voilà. Je regarde faire. Jean-Baptiste. Je regarde faire. Ouais, Jean-Baptiste, tu vas entrer en jeu après. Il me semble 34. me souvenir, avant qu'on commence, il me semblait me souvenir que Ruby, tu avais demandé si tu avais pu faire un peu de repérage, c'est ça, il me semble? Ok. Alors, Ruby, je vais te C'est demander ça. un. Je vais te demander un jet d'attention, et je crois pas que t'aies de compétences qui rentrent particulièrement en jeu là-dedans. Ouais. Un jet Pas d'attention. spécialement de raison, non. Et du coup, je fais 56, sachant que mon niveau en attention est moyen. Alors donc Ruby, je peux te confirmer que vous avez fait quelques petits tours un peu en amont avant de venir, peut-être quelques jours en avance, histoire de regarder, surtout toi en particulier, et tu n'as pas trouvé ce qui semblerait être des caméras ou de détecteurs de mouvement ou de quoi que ce soit. C'est vraiment un couloir d'égout comme il y en a des millions et des millions. C'est même une des parties des égouts qui ne sont pas très rénovées parce que c'est encore avec celle avec les murs en briques, les espèces de trottoirs sur les côtés. C'est vraiment les égouts à l'ancienne, là, celle-là. Je vois, merci. Et moi, j'ai fait 34. 34, ok. Alors, tu regardes, tu bidouilles un peu, tu as quelques petits outils un peu pour voir s'il y a des petites parties qui peuvent se détacher, ce genre de choses. Et tu arrives un peu à retirer une partie du boîtier du pavé numérique, notamment sur le côté droit. Et à avoir accès à tout ce qui est à l'intérieur, les fils et un peu tout ce qui est le vrai système informatique. Tu connectes un peu les outils de Jean-Baptiste là-dessus. Et Jean-Baptiste, toi qui es avec ton petit ordinateur portable ou ton petit truc à côté, qui est maintenant connecté, je vais te demander un jet de connaissances dans laquelle va rentrer en compte donc tes capacités, ta capacité informatique et ta capacité hack. Hacking, donc ça te fait pas mal de bonus. J'ai fait 42. 42, ok. Tu J'ai bon. connaissances, t'as bon en connaissance, c'est ça? Ouais. Connaissance, c'est ça, en effet. Alors tu te connectes là-dedans et t'arrives à. Cependant, tu remarques quand même plusieurs choses particulières. Tu remarques que ce que tu as en face de toi, c'est pas quelque chose qui a l'air de dater de l'époque Falconée. C'est quelque chose qui a l'air même pas mal récent, même pour dire vraiment high-tech, même. Quelque chose de vraiment high-tech. C'est Et militaire? alors, il n'y a pas marqué que c'est militaire, mais ça pourrait être de ce niveau-là, en effet. Au moment, je continue à regarder un peu et à un moment donné, je me retourne vers Pi, je lui dis on est dans la merde. C'est pas du tout de l'époque de Falcon. C'est très high-tech ce que je vois actuellement. Ouais, donc il s'est foutu de notre gueule. Ou alors il s'est pas assez renseigné. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? On laisse tomber ici ou on continue? Moi, tout ce que je peux vous dire sans vous influencer, c'est que si on ouvre cette porte derrière, c'est du matériel de militaire. Donc on peut trouver tout On ce qui ouvre! Tout de suite! Non mais. Au boulot! Maintenant! Yasmine, t'en penses quoi? Vais me faire exploser. Clairement, c'est récent, donc. Perso, je dirais qu'on est allé trop loin pour revenir en arrière maintenant. Ça, c'est vrai, par contre. De toute façon, au point Tout où ce on que en je est, vais on est faire. là. On va au bout. Mais. Donc. Jean-Baptiste, tu finis par arriver jusqu'au point central du système et tu arrives à activer le panneau et tu enclenche l'ouverture de la porte. Une alarme discrète. Une alarme silencieuse. Par contre, je vous dis tout de suite, il faut qu'on soit sûr de nos arrières. Il faut qu'on poste quelqu'un à l'extérieur pour savoir si quelqu'un ne nous arrive pas sur la tronche. Parce que là, si jamais on a déclenché une alarme silencieuse et que ça déboule de partout, on... Genre Batman ? Non, pas forcément Batman, mais ça peut être The Whale, ça peut être n'importe qui d'autre. On ne sera clairement pas en position de se défendre si en, ça... En vrai, s'il faut, je veux bien prendre le tour de guet cette fois-ci. Non. Je m'en occupe. Ah ben. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire, Batman ? C'est moi, Batman. J'ai le masque. Ouais. Devant vous, donc, la grande porte s'ouvre. Et se révèle à vous non pas ce qui semble être une vieille planque d'armes, mais un lieu de haute modernité. Les murs sont d'acier et d'un noir profond. Au centre de cette pièce circulaire se trouve un genre de tube vide, enfin sans aucun produit intérieur, si ce n'est une grande armure noire, blindée, une large cape et un casque aux oreilles pointues. On fout le camp, on dégage. Je pousse tout le monde, je referme la porte, je suis un meilleur de tous. On dégage. Par contre, avant de dégager, je prends des photos quand même. Je ramasse un truc au pif et je pars avec. Tu prends quelques photos. Non, mais même je pars pas. À votre gauche, à votre droite, se trouvent plusieurs, ce qui semble être. Comment dire, je ne trouve plus mes mots. Se trouvent plusieurs établis sur lesquels vous pouvez trouver des outils étranges. Certaines formes sphériques qui vous rappellent peut-être des grenades, d'autres en forme de chauve-souris vous rappelant peut-être des couteaux. Un batarang. Allez, je prends la chauve-souris. Je prends la chauve-souris et je me cache. On se barre. Je disais, Marco, aide-moi à prendre tout ça vu que les autres sont en train de fuir et t'as l'air d'être le seul à vouloir rester. On charge les affaires. Moi, je tiens à préciser quand même que mon personnage, il est dans la pièce. Il est en train de regarder, en train de prendre des photos. Non, mais vous vous rendez pas compte que s'il y a des traceurs sur ce que vous êtes en train de piquer, on est foutu. Mais non, c'est incroyable ce qu'on fait. Non, go. On n'a pas le temps de parler, là. On n'a pas le temps de débattre pendant 20 000 ans. Silence. Go. Tous ceux qui prennent des choses, je vais vous demander, s'il vous plaît, des jets, on va dire, dextérité, on va dire, pour tout ce qui est à prendre. Ah, moi, je prends rien du tout, moi, je sors. Eh bien. Toi, du coup, en voyant tout ça, tu te remets sur ton Zodiac, t'es prêt à démarrer. Méfiez-vous ! Et moi, je crie dans le Zod. Mais croyez-vous, bordel ! MJ, j'ai fait 53 et je suis bon. J'aimerais également faire un test de volonté, si tu me l'autorises, pour voir si j'arrive à garder mon sang-froid. En effet, vas-y. Je rigole pas, je viens de faire 98. Et moi, j'ai fait 10 alors que j'étais bon. Très bien. Honnêtement, je m'approche de l'armure, et d'un coup, je me sens un peu comme happé par son ombre. Et alors que je suis en train de remplir mes affaires dans le sac et de filer des trucs à Marco, genre je lâche en plein milieu de tout le monde, elle a bougé. On se dépêche. Alors que Ruby s'exclame ceci, les teintes de la salle, les lumières commencent à prendre une couleur rouge profonde. Rouillez-vous, putain! Moi j'ai fait 57 et je suis bon. Très bien. Donc t'as récupéré un peu de ces espèces de grenades, de ces espèces de couteaux, il y a même quelque chose qui ressemble un peu à des pistolets, un peu de tout ce que vous pouvez prendre. Moi j'ai pris quoi avec mes 10? Avec tes 10? T'as fait 10? Waouh, pas mal. Très bien. Eh bien, tu as réussi à choper par des espèces de ce qui semble être des espèces de gancelets de rechange qui peuvent recouvrir des bras entiers avec des espèces de pointes qui sembleraient pouvoir être projetées. Oh. Et de mon côté, j'avais fait 53 alors que je suis bon. Moi, je reste tétanisé en fait. Parce que là, je me dis dans ma tête, j'ai hacké Batman, mais je vais mourir. Marco, ramène JB, il est bloqué ce con. Attends, là, je comprends plus. Vous êtes plus là, vous non? Mais non, JB, il est coincé, il prend des photos là. Moi, je suis à l'extérieur. La tête du Maya Lebi, je pars pas en dernier de la pièce. Je suis pas la dernière personne qui sort d'ici. Je boucle et voilà, et puis voilà, puis je ferme la porte et tout. Oui. Je traîne Jean-Baptiste pas là, capuche. Très bien. Je referme la porte et je tag sorry Batman. Je tag vraiment et je pars et je mets en PLS dans le Zodiac. Question. Là, on vient de fermer la porte. Rapidement, est-ce que ce qu'on a pris, ça a l'air intéressant ou on a vraiment pris que dalle? Moi, j'ai ramassé. T'as pas entendu ce que j'ai pris, moi? Ça, ce que vous avez, il va être difficile de faire l'inventaire maintenant parce que vous venez de tout jeter sur le Zodiac. Est-ce que quelqu'un a réussi à choper une clé USB, un truc, un disque? Non, personne. Non, j'ai beaucoup mieux. En effet, maintenant, vous traversez les égouts, et tandis que certains d'entre vous essaient de faire un peu l'inventaire vite fait sur le Zodiac, vous trouvez donc ce qui semblait des espèces de grappes, hein. Vous avez des choses à jeter, peut-être des explosifs, ou peut-être autre chose, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Vous avez donc les fameux gantelets de Marco, et cependant, pas grand-chose de strictement informatique dans l'urgence. Vous êtes plus concentré sur les objets que sur les différents écrans et tout ça qu'il y avait partout. Il faut pas ramener ça au Haralibi. On peut pas ramener ça. On sait pas s'il y a un émetteur ou quoi que ce soit là-dessus. On peut mettre ça où vous voulez, mais pas chez nous. Je crois que je connais peut-être un endroit où on pourrait amener ça. On s'en fout, c'est juste une super armure. Non. S'il y a un émetteur là-dessus, on est mort. Ça vaut un million. Vous devenez riche. Si on a peur qu'il y ait un émetteur, il faut qu'on le mette dans des caisses avec comme de la mousse pour bloquer tout signal. Oui, mais pas tout de suite. On n'a pas ça sous la main, donc on va mettre ça autre part en attendant. Moi, j'emmène pas ça au Haralibi. Je rappelle aussi que vous avez, comme je l'ai dit dans l'introduction, déjà le point de rendez-vous sur lequel vous êtes censé livrer ce que vous aviez à récupérer. Si vous voulez continuer avec le deal, évidemment. Sait-on jamais. Oui, bah ok, on peut le ramener son truc et qu'il nous casse pas. Autant y aller directement. Mais il s'est bien foutu de notre gueule. Je suis sûr qu'il savait, ce connard. Je vous l'ai dit. Il est pas net, il y en a. Bien. Bon bah j'y vais, hein. Je file au lieu de rendez-vous, mais regardez partout, on sait jamais. Moi je suis tétanisé dans ma tête, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi? Première chose que je pense même pas à jeter mon ordi qui a hacké son système, pour le moment. En effet, donc, dans ma tête, je suis... Alors je voudrais tenter quelque chose. Je voudrais cacher un des deux dedans. Cacher un des deux dedans. D'une façon ou d'une autre. Je ne comprends pas ce que tu veux. Que... Je n'ai pas entendu cacher ce que tu quoi veux. Cacher quoi? Un des deux gants. Un des deux gants. D'une façon ou d'une autre. Tu peux le cacher. Techniquement, il te suffit simplement de ne pas l'amener sur le point de rendez-vous directement. Non, mais même aux autres. Ouais. Même aux autres? Ah bah okay, oui, moi je veux pas qu'on ramène un truc pareil chez nous. Okay. Alors du coup, je vais te demander si tu... veux bien un jet de astuce avec. Est-ce que tu as quelque chose qui pourrait fonctionner avec ça? Crever, en fait. Moi je vais faire un jet d'attention. Pour pas qu'il ramène quoi que ce soit. C'est dans ma nature. Ok, seulement d'astuce du coup. Ok. Ah, d'accord, très bien. Bah du coup, Paul-Edouard, tandis que t'es en train de conduire, là t'entends quand même qu'il est en train d'ouvrir son sac et bzzz, et tu le regardes un peu derrière et tu vois Marco qui est en train d'enfoncer Marco, dans son sac personnel. Qu'est-ce que tu fous, putain ? Pose-moi ça ! On n'en pense de rien ! C'est lourd. Allez, sors-moi ça de là ! C'est pour le transport. Non, c'est pour que t'allais le garder chez toi, oui. Laisse-moi ça ici. Oh putain, c'est pas possible, les gars. Je me tâte à tenter la même, étant donné que j'ai perdu tout. Voyant ce qu'essaie de faire Marco, ça m'inspire et vu que tout le monde est actuellement focus sur lui, je tente de garder un truc au pied de ce que j'ai pris. Je le glisse dans ma chaussure. Eh ben, je vais te demander à toi, Augie, du coup, un petit jet d'astuce avec discrétion, vu que tu as discrétion. Donc t'auras un bonus. Toi, t'as plus de chances de réussir. 83. Ok, 83, donc c'est pas génial, t'as mauvais en astuce. Non, t'as pas mauvais en astuce, j'ai cliqué sur le mauvais. T'as bon en astuce, ok, très bien. Du coup, tu chopes le premier truc qui te passe sous la main, c'est une des espèces de petites boules qui ont l'air de pouvoir être déclenchées, et tu la glisses dans ta chaussure, enfin dans ta chaussette et dans ta chaussure, et personne ne semble le remarquer. En effet, tout le monde est concentré sur Marco, ou sur les alentours, sur la route que prend le Zodiac. On va mourir. Est-ce que je peux proposer une réussite partielle, étant donné que j'ai pas totalement réussi mon test? On pourrait dire par exemple que Yasmine aurait aperçu de loin ce que j'ai fait et pourrait par exemple avoir des doutes dont on pourrait discuter plus tard peut-être. Pourquoi Yasmine? Je ne sais pas, ça colle bien. Vous commencez déjà à devenir copine, ça va pas du tout ça, cette histoire là. Ça va finir comme dans The Walking Dead, vous allez voir. Non. Non, attention. Moi je dis que. Moi je dirais, ce serait fair si tu joues, tu tires ça au dé, qui t'a vu? Qui t'aurait peut-être vu? Alors, je vais jeter un D6, 1, 2, 3 c'est Yasmine, 4, 5, 6 c'est Xavier. Mais moi. Non. Je vais jeter un dé pour le un faire quand même. Un D4. Sachant que moi du coup j'ai deux persos, hein. On est d'accord. En plus moi je suis Un D4. Et il y a en effet quelqu'un qui remarque. Ah, mais tu me le dis pas. Je te le dis pas. Il y a en effet quelqu'un qui remarque. Que tu glisses quelque chose dans ta chaussette. Cette personne va recevoir un message privé pour lui dire, mais voilà, je compte sur lui pour faire un poker face total et ne rien lui ou elle. Voilà. C'est moi. Je me suis vu moi-même. Elle a deux personnalités aussi, merde. Identité. Alors, il était Ruby et il y a identité. Le message a été envoyé, c'est dans vos salons joueurs et non pas dans vos messages privés de profil. Voilà. Donc, vous finissez par quitter les égouts en dessous de Arkham City. De quitter entièrement la zone d'Arkham City, échappant sûrement de peu aux surveillances de la Net Security, vu qu'elle a quand même placé de quoi surveiller, même dans les égouts. Pas des hommes, mais au moins quelques caméras, certains passages qui ont été bouchés avec des grilles. Heureusement, vos petits contacts avec les gangs slaves vous ont appris des petits passages où il est possible de passer, notamment dans le cadre de votre petit réseau de contrebande que vous avez établi entre eux et la Chinatown grâce aux efforts de Marco. Vous arrivez donc jusque dans les égouts en dessous du quartier du Cauldron, qui est sur la même île que Arkham City, votre quartier, et qui est une zone principalement résidentielle pour les strates, disons, assez basses de la richesse de Gotham, sans pour autant être une des zones où la criminalité s'est énormément développée. C'est des quartiers pauvres où il ne fait pas forcément mauvais vivre pour autant. Pour décrire les choses ainsi. Vous mettez donc votre cargaison maudite dans différents sacs. Et vous rejoignez la surface. Pour aller les retrouver. Je propose ça. Tu peux parler, vas-y. De monter sans. Vous étiez dans le bateau. Donc, il faut quelqu'un qui reste quand même dans le bateau pour surveiller. Moi je propose alors pas Marco. Va Ruby. Voilà. Parce que tu vas tout piquer. Moi je dirais Xavier. Parce que c'est le seul qui a rien voulu piquer dans la pièce. Oui. Pas Xavier, JB, putain. Pardon, JB, pas Xavier. Non, ouais, vous me perturbez avec vos personnages triples. Il est pas là, Xavier. Oui, non, mais je voulais dire JB. JB, il connaît le gars. On s'en fout, on l'a vu aussi, nous. Non, parce que là, on n'est pas d'accord sur ce qu'on va faire. Si je le tue... Je reste en bas. Je reste en bas. Pourquoi pas? Mais toi, tu faisais partie d'un réunion. Moi, j'ai rien fait. Attends, d'où là? D'où propose Yasmine? Je vais, s'il vous plaît, avant que vous ayez fait votre vote, demander à tout le monde, parce que je vois qu'il y a une certaine tension qui commence à s'installer. Ah oui, mais moi, je suis ultra stressé. Je vais demander un peu à tout le monde de faire un jet de volonté. Ça va pas influer sur pour qui vous votez ou quoi que ce soit, mais c'est simplement pour que je me fasse un peu une idée véritablement dans quel état vous finissez. J'ai fait 15. Je suis en train de te dire que je suis hyper stressé, je fais 7. 80. Ne vous inquiétez pas. Le roleplay prime sur le résultat, c'est juste que nous aussi, ça peut avoir des effets particuliers. Oui, tout le monde. 80 sur moyenne. 14. Ok, très bien. Un de nous se fait choper. Très bien. Donc, la situation est extrêmement tendue. Personne ne semble se faire véritablement confiance. Et il est temps de voter. Vous sentez cependant tous, et j'ai bien dit tous, la sensation d'être même pas seulement observé, mais d'être véritablement traqué. Ce genre de sentiment qu'on a lorsque, après avoir vu un film d'horreur particulièrement efficace, on éteint la lumière dans le salon et on a encore le couloir à traverser. Vous voyez ce genre de... Ah, horrible, ouais. Vous le sentez tous. Je me lève, je fais... Vu que j'étais à la réunion, j'y vais. Moi aussi. Oui. Non, mais c'est pour ça, en vrai, moi, c'est logique que je... Par contre, tu files ton flingue à... Marco, tu files ton flingue à Pi, s'il te plaît. Désolé, j'ai confondu les deux. Mais j'en ai un, je crois, disons, sur moi. J'en ai un. J'ai pas envie qu'il descende le gamin, sachant que le gamin, c'est très bien où il nous a envoyé, l'autre con. Écoute-moi, Jean-Baptiste. Écoute-moi bien, Jean-Baptiste. Dans ma vie, j'ai vécu très peu de moments comme ça. Dernière fois, c'était en 1995 dans un putain de trou. C'est pas le moment. Allez-y. Je surveille. Sous aucun prétexte, je vais quitter mon arme. Tu me comprends? Il y a quelque chose qui me fait ici. Alors, juste, j'acquiesce le fait que Yasmine va rester. Mais je check rapidement ce qu'il y a visuellement dans tous les sacs, tous les machins, ça. Parce que je veux vraiment. Mais vraiment. Pas qu'on ramène un truc au Alibi. Donc je vérifie tout ce qu'il y a dedans et quand je reviendrai, il faudrait qu'il y ait la même chose. Très bien. Je prends ça en compte. Je prends ça en compte. Très bien. Tu regardes un peu tout ce qu'il y a, tu comptes les différentes espèces d'outils qu'il y a et tu montes avec tout le monde à l'exception de Yasmine, si j'ai bien compris. Oui. Très bien, donc vous remontez, vous sortez des égouts, et vous arrivez non loin du... Attendez, quand je clique sur la carte... Non loin du... il me semble que c'est un stadium... Hop, on va juste crever. Du Gotham Griffin Stadium, dans le quartier du Chaudron. Enfin, du Cauldron en anglais. On va mourir. Vous arrivez rapidement dans une espèce de ruelle qui n'est pas loin du... de ce fameux Griffith Stadium, où se trouve votre fameux point de rendez-vous, avec votre commanditaire, qui semble-t-il vous a joué un bien mauvais tour. Arrivé sur place, il y a peu de lumière. Un seul lampadaire a l'air d'éclairer la zone et le fait bien piètrement. La lampe a l'air bien vieille, une lumière jaunâtre sale éclaire les lieux et il n'est pas rare qu'elle se mette à grésiller. Vous voyez sous ce lampadaire une personne attendre. Il ne s'agit pas de votre commanditaire, il s'agit d'un homme qui a l'air de faire une certaine taille, disons 1m80, ce genre de choses. Il a l'air assez musclé, mais ce n'est pas non plus un physique de sportif. C'est juste quelqu'un qui s'entretient. Il n'a pas de cheveux, pas de pilosité faciale, sinon des sourcils, et il n'est pas possible d'en voir plus sans s'approcher. Bonjour. Il faut s'approcher. Oui, Elise. On est trop loin, là, non? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Est-ce qu'on a toujours des masques de Batman? Bah oui. Vous pouvez les avoir, si vous voulez. On est loin, on est à combien de mètres de la personne, là? Je pars du principe que vous vous approchez, vu que Ruby veut lui adresser la parole. Vu que je lui parle, je pars du principe que je me suis rapproché. D'accord. Je reste quand même un peu en retrait par rapport à toi. Tu sais, je prends une petite distance. Moi, je m'avance au fur et à mesure que je m'avance. Je passe ma main dans mon dos, prêt à dégainer une grenade de toxines, de drogue psychoactive. Très bien. Tu t'approches donc, tu te prépares, suivi de tes compagnons, tandis que tu lui poses donc les fameuses questions que tu as posées. Et lui donc arrête de s'appuyer sur le mur et le lampadaire contre lequel il fuyait. Il se met bien droit et il dit « Ah, ben vous voilà enfin !»« Qui êtes-vous ?» C'est notre ami commun qui m'a dit d'être ici. Je viens récupérer ce que vous devez me passer. C'est qui, notre ami commun? Ulysse. Réponds-moi! Ulysse! Parce qu'il est Ulysse, pourquoi c'est pas lui? C'était pas dans le plan, ça. D'ailleurs, il y a pas mal de trucs qui étaient pas dans le plan. Rien n'était dans le plan. Alors on va rien te remettre du tout. Tant qu'on n'aura pas plus d'infos. Là-dessus, près d'une bouffée de panique, de chaleur et de stress, Marco, il va saisir le mec, il va commencer à me secouer. Réponds-moi, je te dis, réponds-moi. Tu secoues, tu vois qu'il est surpris par ça, tu vois, genre il a les yeux qui s'écarquillent, Il te chope pas à son tour, juste il se laisse un peu faire. Et il fait « J'ai rien à vous dire, moi je peux pas vous dire. On m'a dit d'être là, c'est tout. » Moi j'appelle Ulysse vu que je l'avais laissé un téléphone. Bah, bien. Tu appelles, je vais te demander un jet de chance s'il te plaît. Vous voyez que ça sert la compétence chance qui a été rajoutée sur cette fiche. 75 et j'ai bon. Bon attends, je vais te voir ça. Très bien, très bien. Tu as bon en chance? Oui. Tu as bon en chance. Tu l'appelles donc, tandis que Marco est toujours en train de tenir le gars qui n'ose pas faire un mouvement. Et au bout d'un moment, alors que tu es presque sûr que ça va bien, que la sonnerie va bientôt s'arrêter et qu'il ne répondra pas, on décroche. De l'autre côté, c'est le silence. Ulysse, c'est moi, White Bunnies. Ce n'est pas la voix d'Ulysse qui te répond, en tout cas c'est une voix volontairement distordue, qui ne fait pas semblant d'être une véritable voix, elle a été modifiée par un logiciel, ce genre de choses. Vous savez ce que vous deviez avoir ? Oui. Alors pourquoi tu m'appelles ? Le contrat, c'était que ce soit toi qui vienne. pas un mec. Le contrat, c'était de livrer ce que vous deviez livrer à un point précis. Oui. Et que tu y sois aussi. Ah, il semblerait alors. Très bien. Et il semblerait que alors que j'ai actualisé notre contrat. Sachant que tu savais très bien où on mettait les pieds. Vrai ou faux ? Je compte toujours respecter notre accord. Remettez la cargaison à mon ami. Et dans l'instant, Voka sera persona non grata pour The Whale. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il va pas encore mettre à jour notre contrat une fois qu'on lui aura livré ? Tu sais quoi ? Je viendrai moi-même personnellement te le livrer en main propre. Donc demande à ton gars de partir. Voilà pourquoi je modifie aussi le contrat comme tu as fait au début. Il n'y aura que moi. Je refuse. Et il raccroche. C'est bizarre qu'il refuse. Est-ce que je peux faire un jeu pour savoir si c'est vraiment bizarre qu'il refuse comme ça alors que... Ah bah je sais pas, c'est toi qui interprète ton personnage. Hein. Marco. Casse-lui dedans, mon gars. Quoi ? Casse-lui dedans, mon gars. Ah non, non ! Mais pourquoi tu fais ça ? Et demande-lui bien s'il travaille pour Ulysse. Non, non, lui fait pas mal. Mais non, lui... C'est pas lui à qui on doit s'en prendre. C'est à Ulysse. Moi, je suis juste là pour récupérer ce que vous devez me donner, c'est tout. Je vois bien qu'il a l'air complètement... On lui a donné un billet pour réceptionner un truc et basta. Mais il y en a un qui s'est bien foutu de notre gueule. Honnêtement, on n'a pas le choix, il faut qu'on lui donne. Donnez-lui un... Donnez-lui c'est lui qui fout de nous. Ça vaut des millions. On va devenir riches, les maîtres du monde. Enfin, n'exagère pas non plus quand même. Ça reste que des gants. Je m'y connais. Ce genre de matériel, c'est ce que les armées auront dans 10, 20, 30 ans. Je suis sûr que je peux contacter n'importe qui à l'ambassade de la Russie. Et je te jure, je te promets. J'en suis sûr. Devenir riche. Est-ce que j'ai toujours le sentiment que t'as évoqué tout à l'heure d'être traqué ou de en étant là où on est en ce moment même. Vous l'avez toujours et notamment par l'obscurité qui entoure votre petit point de lumière là. Vous êtes un peu un îlot au milieu du néant. Ça n'aide pas à ça aide à s'imaginer des formes dans l'obscurité. Jean-Baptiste. Oui. Rappelle-le. Donne-moi ce téléphone. Je suis pas un hibou non plus. Je le rappelle. Je le rappelle. Ça sonne à deux ou trois... Enfin, ça a le temps de sonner deux ou trois fois et ça répond plus rapidement qu'avant. C'est du bon silence de l'autre côté. Je passe pas. Marco. J'écoute. Tu m'as donné ta parole, Ulysse. Tu m'as trompé, Ulysse. Tu as bravé les lois de l'honneur, du sang et du respect, Ulysse. À partir de maintenant, tu nous as floués sur ce contrat. S'offre deux options à toi. Soit tu nous offres plus en dédommagement, soit je viens te chercher. Est-ce que tu m'as compris, Ulysse? Il y avait peu de règles, Ulysse. Tu les as brisées, Ulysse. Je n'ai pas envie que ça finisse comme ça, Ulysse. Tu ne pouvais pas espérer que ça se passe comme ça. Je te l'ai dit. Tu sais quoi? Je m'en fous de ces trucs, je veux pas les garder. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des putains d'AK-47. Maintenant, tu m'as menti, Ulysse. Et ça, c'est le crime le plus grave que tu pouvais faire sur cette sainte terre. Alors tu vas t'excuser et compenser des choses. M'offrir plus pour te faire pardonner, ou bien je vais te faire payer. Tu vas avoir compris, Ulysse ? J'ai d'intimidation. Est-ce que je peux faire un jet d'intimidation? Fais un petit jet, allez, de pouvoir avec intimidation. Alors, pouvoir, j'ai moyen. Et du coup, j'ai fait 72. Ok. Très bien. Il n'y a pas de réponse immédiate. Tu ne sais pas si c'est que tu l'as effrayé ou s'il cherche une manière de t'exprimer particulière, mais il finit par répondre. Il dit simplement « Je m'excuse pour le mauvais tour que je vous ai joué. Loin de moi l'envie d'être un mauvais partenaire commercial. » Mais vous n'avez pas les moyens de mettre en action vos menaces. Et je dis ça avec le plus grand respect de vos capacités, monsieur Petisov ou Honor. Monsieur Honor. C'est bien, Ulysse, tu es malin, Ulysse. Tu es donc assez malin pour comprendre que ce n'est pas une question de moyens ou quoi que ce soit. C'est une question d'honneur. De respect. Et tu es très malin pour savoir que dans mon pays, une vendetta, qu'importe les moyens, on y met les moyens pour faire en sorte que ça. Alors si tu veux vivre toute ta vie, en sachant, en espérant que tu peux te cacher, que je ne peux pas te trouver, tu peux faire ce pari. Mais c'est un jeu dangereux. Et je peux tout autant échouer, comme je peux avoir une infime chance de réussir. Donc, une dernière fois, au nom des règles, de l'amitié, et du respect et de l'honneur, je vais te demander une compensation. Je ne te demande pas l'impossible. Une compensation. Et je te demande plus, car tu nous as floué. Et ce n'est pas un marché équitable. Et ceci n'est pas acceptable. Ce sera ma dernière offre. Quelle compensation souhaitez-vous? Une faveur. Au temps voulu, au moment voulu. C'est-à-dire que je choisirai, nous choisirons ce que nous nous demandons. Mais tu nous es redevable par les règles de l'honneur. Et si jamais, ou si jamais tu viens à te compromettre encore une fois auprès de nous, je te promets que je mettrai tous les moyens que j'ai à ma disposition, aussi maigres soient-ils, pour te retrouver dans ton putain de cagibi qui te sert d'appartement. Ok. Eh bien, vous pouvez me considérer comme à votre service pour le prochain... pour la prochaine demande que vous aurez à me faire. Je raccroche. Je raccroche. Allez chercher le matos. Est-ce que tu as fait... Moi j'y vais, hein. J'y vais, il faut qu'on s'en débarrasse, on peut pas garder ça. Donc je retourne vers le bas, je commence à redescendre, je vois Yasmine. Yasmine, c'est bon, on ramène tout, on sort tout, on va redescendre tout ça. De mon côté, je vais jeter des coups d'œil par la fenêtre. Tu peux venir. On sort tout ça. On veut dire ? Oui, tu peux venir, oui. C'est quoi là déjà votre... Écoute, tu prends les sacs et tout ce qu'il y a ici, là, et tu montes avec moi, et on sort. C'est dangereux ? C'est pas dangereux, c'est juste une livraison. Allez, dépêche-toi ! Ouais. Ok, allez, je prends les sacs. Bien, donc vous saisissez tous les deux des sacs, et vous montez l'échelle. Toi, du coup... Xavier, tu arrives donc à la surface, tu arrives jusqu'à cette fameuse petite ruelle et tu vois donc cette espèce de situation un peu tendue où tout le monde regarde un peu par-dessus leurs épaules. Il y a un type que tu ne connais vraiment pas, c'est-à-dire que t'as même pas l'instinct de te dire que tu l'as déjà croisé, qui a l'air d'être au milieu de tout ce monde-là et qui a l'air d'être prêt à se battre ou à fuir ou ce genre de choses. Il a l'air des situations un peu particulières et vous arrivez avec des sacs. Un peu étrange. Allez, on y va. On se dépêche, on se débarrasse de ça et après on se barre. J'ai pas envie de rester ici. Moi, j'arrive, je sais pas vraiment comprendre, genre je lâche le sac un peu nonchalamment et je retourne en arrière. C'est un peu voir comment réagit le groupe. Mais qu'est-ce que tu fous, Yasmine, là ? Laisse pas ça au milieu. C'est bon. C'est bon, il l'a son sac, là. Oui, c'est bon, tu sais ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Genre, ça t'a pas perdu la mémoire non plus. De quel bras elle les tient, les sacs, Yasmine ? Alors, du bras ou... Parce que j'ai oublié lequel était lequel. J'ai oublié qui était gauche, X ou W. Hein, c'est ouais, vrai. Mais c'est... ouais, c'est tenu avec le bras X. Je dis rien, mais je sais. Bon, bah, voilà. Du coup, j'attrape le sac qu'elle a foutu par terre et j'y dis, bon, bah, voilà. Je donne ça à Marco. Bon, allez, on balance tout, là. Enfin, je jette vite fait un œil, quand même, pour voir ce qu'il y avait dedans, pour être sûr qu'il y avait ce que j'avais vu quand il était dans le bateau. Et si c'est bon, et ben je donne à Marco. Alors, attends, je fais un petit jet pour voir si tu vois s'il y a tout. A priori, du petit coup d'œil, ça, c'est un jet que, de mon côté, je vais pas te demander d'en faire, il semblerait qu'il y ait, tout ce que tu avais vu avant de remonter. D'accord. Très bien. Donc les sacs sont passés à Marco. Marco, tu les passes au gars ou... Oui, oui, ça m'a marché. Donc les sacs finissent dans les mains du gars. Il en met un sur son épaule. Les autres, il les tient à la main. Et il vous dit, bon, bah, merci. Et à la revoyure, je vais dire à notre ami que c'est fait. Donc la partie de votre contrat va être remplie, j'imagine. Ok, bon, allez, on se casse. On se dépêche, là. Je veux pas rester par ici, moi. Bon courage avec Batman. Je pars direct. J'imagine que Yasmine est devant. Non, mais elle, t'es déjà loin, toi. T'as dit que tu repartais non, déjà pas trop loin. Non, oui, non, je reste un peu en arrière, mais là, je te suis. Genre, tu pars, j'emboîte le pas. D'accord. Par contre, je lui dis vraiment ça au mec. Je suis le dernier à partir. Je lui dis bon courage avec Batman. Il a l'air de prendre ça à la rigolade. Peut-être qu'il comprend pas trop pourquoi tu dis ça, donc il fait juste ah ouais. Ouais, mec. Toi aussi. Et sa contenance sera terrible, hein. Ouais. Allez, dépêchez-vous là. Bon, du coup, vous quittez les lieux, vous remontez sur votre fameux Zodiac et vous... Je vais dire vous roulez, mais Zodiac, ça roule pas. Et je jette mon ordi portable dans la flotte et le portable. Ok. Tu balances toutes tes affaires dans la flotte et vous flottez jusqu'à le point où vous garez votre Zodiac, sûrement non loin du Hour Alibi. Moi, j'arrive. Putain de merde! Qu'est-ce qu'on a fait? Mais putain! Moi je prends un whisky, je m'en fous. Rentre. Moi, je m'assois et j'essaie de... Enfin, vraiment, je m'assois un peu à distance du groupe et j'essaie de voir ce qui se passe, en fait. Je vole. Vous pouvez me dire ce que c'était qu'on a vu, là? C'était le catch vis-à-collé. Oui, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi cette armure noire, là? Je te dis, c'est le futur super soldat. C'est le futur de technologie militaire de 20 ans. J'en suis sûr. Je peux faire un jet de connaissance pour l'histoire de Gotham ou pas? Par rapport à tout ce que j'ai vu comme logiciel, parce que je me posais la question si ça fait pas partie de grosses entreprises et tout ça, quoi, américaines. Ça, c'était le Batman. Mais il existe pas, le Batman. Et qu'est-ce que ça peut être, à ton avis? Bah, je sais pas, moi, un truc du... J'en sais rien, comme il dit Marco, du futur. Il se parle, Batman. Mais on avait rien à foutre là-bas. C'est foutu. Si. Forcément qu'il existe, et ça, ça en fait partie. Une fois que j'ai connu un gars qui avait disparu, c'est sûr. Il est dangereux, votre... Mais le Batman... Si c'est les théories à branle-moelle de Ruby, bien sûr qu'il est dangereux, Batman, C'est la terreur de Gotham, c'est même The Whale, même Black Mask, même qui tu veux, personne lui résiste. Pourquoi vous êtes allé alors? Mais on devait pas trouver ça. On nous a dit qu'on allait trouver des armes, des calages, des merdes dans une cage d'armes de... Pourquoi tu lui parles comme si elle était pas au courant? De quoi? Mais je sais pas, moi, depuis tout à l'heure, elle a de l'amnésie, là. Mais moi, je suis pas en état de réfléchir. C'est bon. C'est bon de t'énerver, hein. Il n'existe pas. Bon, Hugo, oui, ils font la même chose. Moi, j'y crois. Mais j'ai vu trop de gens disparaître dans des missions, sans laisser de traces. Des braquages qui se passent bien, mais où tu repars à 9 au lieu de 10. Et puis, un mois après, tous les membres du gang qui tombent les uns après les autres. Ils disparaissent en pleine nuit. Et toi, t'es tout nul, là. Moi, je vous dis, Batman, Gotham, il y a une force surnaturelle qui plane au-dessus de la ville. Et on a mis les pieds dans son antre. Du coup, j'ai découvert, avec tout ce que j'ai vu comme logiciel... Alors, ton G... C'est peut-être même pas humain. Ton G, Jean-Baptiste, apprend que c'est en effet... De tes souvenirs, parce qu'il aurait fallu que tu gardes ton système informatique plutôt que le jeter à l'eau pour avoir les traces de ce que t'as, dans quoi t'as fouillé. Mais t'as l'impression que c'était en effet de la technologie, du coup, d'un système informatique de haut niveau, le genre de choses qui... n'est pas accessible au public normalement, ça c'est sûr. Après, si tu voulais en savoir plus, il faut mieux aller repêcher ton matériel informatique. Pas sûr qu'il fonctionne. En fait, quand je bois mon whisky, je tremble. Et celui qui est à côté de moi, il le voit très bien. Voilà. Eh ben attends, on est déjà... Attends, d'où tu sors la bouteille de whisky là? Bon, maintenant, ok. Oui, il faut qu'on. C'est arrivé au. Voilà. Maintenant, il faut qu'on se détende. Là, de toute façon, on a foutu les pieds dans la merde. Maintenant, il faut savoir et il faut espérer que ça nous éclabousse pas. Ok ? Donc, on fait comme si de rien. On brûle tous nos masques, tout ce qu'on a apporté. Tout de suite, là, on s'en débarrasse et il faut qu'il en reste plus rien. Et voilà, et j'espère que personne d'entre vous n'a osé prendre quelque chose. Parce que si jamais, ça peut nous foutre dans la merde. Clairement pas, mec. Voilà, c'est tant mieux, tant mieux. Maintenant, on s'occupe de nos affaires. Sur le moment, je prends Ruby, je la mets contre le mur. Qu'est-ce que tu fais? Oh, du calme, le live. Non, mais il est bourré. En sac. T'as mis quelque chose dans ton sac. Et je t'ai vu. Mon sac par terre, y'a rien dans mon sac. T'es sûr? Dans ta chaussette, non plus. Sûr. C'est quoi? Est-ce que c'est dans ma chaussette que je l'ai mis, le truc? Non, dans ma chaussure. Mais là, tu dis le sac. Le sac, il est vide. Le sac, il y a mon porte-monnaie, mon téléphone. Le sac est en effet vide. Et du coup, tout le monde autour se dit « Mais qu'est-ce qu'il fait, Jean-Baptiste ?» Qu'est-ce que tu fais, JB, là? C'est quoi le délire? Moi, t'es sûr. Je l'ai vu mettre une de ses technologies quelque part sur elle. Ça, je la regarde d'un œil noir, genre « Ruby !» Est-ce que t'as rien, il délire. Regardez-le, il est complètement pourri. Est-ce que t'as piqué quelque chose depuis tout à l'heure, il est en manque. Fous-toi à poil. Faites-moi ce vrai junkie. Enlève-moi tes pompes, tout de suite! Non, je suis désolé, je ne mens pas et... Enlève-moi tes pompes, tout de suite, Ruby! Garde tes pompes! Garde mes chaussures! T'as pas le droit de mettre en cause, on est Ruby! On va pas commencer à s'entretuer, vous comprenez pas, on va pas avancer si on continue comme ça! Non, si tu as rien à te reprocher, enlève tes pompes! Et après les pompes, quoi? Bah, y aura rien d'autre que les pompes. Enlève tes pompes. Non, c'est bon. Ruby, t'as piqué quelque chose. Ouais. Tu ferais pas ça sinon. Non. Une question d'honneur et d'esprit d'équipe, merde. Écoute, il faut qu'on arrête de perdre notre temps avec ça. Il faut qu'on réfléchisse. Non, je lâcherai pas. Enlève tes pompes. Moi, je la lâche. Écoute, Ruby, si tu veux qu'on se fasse tous tabasser par Batman, garde ce que tu as sur toi. Batman, il n'existe pas. Arrêtez avec cette putain de légende. Et toi, tu viens pas des États-Unis. Toi, tu comprends pas. Et je le sais. Oula. Et pour l'instant, là, Xavier, qui sait pas ce qu'il fout là. Alors, vraiment, il reste silencieux. Je suis juste en arrière. Ah, j'ai envie de dire que je fais un test d'autorité, mais tu me dis qu'on peut pas te faire des tests entre nous. Alors je sais pas comment la convaincre de... Tu peux toujours braquer ton arme sur ma tête. Hein. Non, mais non, on va pas en arriver là. Mais voilà. Tu dois avoir remis en cause l'honneur de partenaire. C'est inacceptable. Ok, alors toi avoir mis en doute la parole de l'autre partenaire qui a vu Ruby mettre quelque chose dans sa poche. Non, il m'a vu mettre quelque chose dans mon sac. Quand le sac a pas suffi, on commence aux choses sur... Ça en finira jamais cette histoire. Est-ce qu'on peut faire quelque chose une bonne fois pour toutes? Les gars, je pense qu'il y a un mauvais esprit d'équipe, si je peux me permettre. Je pense qu'il faut se calmer. Effectivement. Je te rends compte qu'on a mis les pieds quand même. J'ai rien compris, moi, à votre histoire. Écoutez, moi, ce que je vous dis, là, c'est que je vois, c'est que vous êtes en train de vous agresser entre vous. Honnêtement, je sais pas s'il est dangereux, là, votre Batman, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez vous entretuer avant. Alors, moi, je vous dis juste, je pense qu'il faut retravailler un peu cet esprit de cohésion et d'équipe. Moi, je veux dire, je vais aller m'acheter un café. Besoin de souffler 5 minutes. Je vous jure que c'est pas une crise de psy. Moi je le suis. De psy. Je vous le jure. J'ai vu quelque chose. Elle a mis quelque chose. Attends, mais comment ça se fait que toi, tu te rappelles pas de ce qu'on faisait comme mission? Non, mais si, c'est juste... Batman, j'aimerais te... Enfin, Batman, MJ. Oh merde, oh. C'est flippant, là. Tu te retournes. Avant de partir, oui. Je dis que je m'en vais. Plutôt que d'aller tourner vers la sortie, je tourne en réalité en direction des toilettes. Et, du coup, je m'y enferme. Et j'aimerais du coup retirer le fameux truc de ma chaussure et voir de quoi il s'agit. Avant de décider quoi en faire, je profite d'être tranquille. J'imagine que je prête l'oreille au cas où JB, ce psychopathe, me poursuive. Comme ça, jette ça dans les conduits, mais normalement, on devrait pas en arriver là. On est femme dans des chiottes, quand même. J'aime pas. Ruby? Tu sors donc de ta petite planque le fameux objet que tu as rapidement mis là-dedans sans même trop faire attention à de quoi il s'agit. Un AirTag. Et il s'agit a priori d'une espèce donc de petite forme sphérique, disons de la taille peut-être d'une balle de golf, qui semble être faite de plusieurs pièces enclenchées les unes dans les autres. Avec ce qui semble être un espèce de petit bouton presque indétectable, mais ça se remarque juste avec une texture un peu différente qui semble être de quoi activer le mécanisme. Et si ce n'est ça, elle est d'un noir total et rien ne semble indiquer à quoi elle pourrait servir. Je retourne dans tous les sens, il n'y a pas l'air d'avoir d'antenne et de détecteur. Il n'y a pas l'air d'en avoir. Bon, je la prends, je sors un mouchoir ou même un truc de ma poche, je l'enroule dedans. Et tu sais, je soulève un peu le truc des toilettes au-dessus. J'oublie le nom de la partie qui est au-dessus, mais dans laquelle il y a l'eau de la chasse d'eau. Et je la plonge dedans et je le repose. Mais dans le vasque des toilettes. Je m'allume une clope. Et je reste là 5 bonnes minutes avant de sortir, prendre quelques pièces et aller me chercher un café. Qui c'est qui a déclenché l'incendie? Très bien, très bien. Est-ce que j'ai remarqué que c'est pas du tout Yasmine? Est-ce que je peux faire un jet pour savoir si c'est pas elle? Parce que vu que je vis tout le temps avec elle, tu me diras, j'étais sous drogue, donc je peux bien savoir. Ouais, non, je considère que c'est une demande de jet très méta, celle-là. Donc ce sera non. Tu peux pas savoir, c'est elle physiquement, voilà. De toute façon. Je pense que ça facilitera déjà les choses si tu me dis ce que tu souhaites faire et non pas quel jet tu souhaites faire. Je pense que ce sera mieux. J'essaie de comprendre pourquoi elle est amnésique, voilà. Je me prends bien le fait, mais t'es sûr que tu te rappelles de ce qu'on a fait? Si, si, bien sûr, je m'en souviens, vos histoires, là. Ouais, ouais. Bon, avec les armes... Bon, on fait quoi maintenant? On s'occupe de nos affaires, là, on a des thunes à dépenser, on a pas mal de choses à voir, en espérant qu'il n'y ait pas un cinglé qui nous tombe sur la gueule dans quelques temps. D'ailleurs, je sais pas quels sont les plans. Bah oui, JB, là, ça oui. Se passe comment pour l'Ozozo, là, Voka? À quel moment on va savoir qu'il va être hors jeu? On sait pas. On sait pas. C'est-à-dire, honnêtement, le monde du hacking, on est tous des anarchistes. Donc, il suffit qu'il se retourne contre nous et qu'il joue sur cette carte-là. C'est pour ça que quand j'ai vu Marco soulever l'autre, je me suis dit. Il peut être mort quand même parce qu'il a suffisamment de preuves. S'il connaît... Le problème, c'est qu'il m'a dit qu'il connaissait ce système-là. Donc ça veut dire que soit il a déjà hacké et qu'il sait déjà très bien ce qu'il y avait dedans, soit il travaille pour la personne qui a fait ce genre de système-là. Et là, par contre, on est encore plus que dans la merde. Ouais, donc au con, on a fait un boulot sans garantie, quoi. Ouais. On a fait les cons. Et je m'en voudrais alors qu'un petit con comme lui arrive à faire ce genre de trucs, quoi. Ok. Ce que je vous propose... C'est oui, un problème managérial, votre... Dis-moi, Yasmine, tu parles pas comme d'habitude. Tu nous fais quoi, là? J'ai l'impression de voir le... J'essaie de comprendre, écoutez. J'essaie de survivre dans vos trucs. Non, mais... Tu m'excuseras, hein, mais j'ai l'impression que tu parles comme mon ancien patron. Alors que d'habitude, tu parles pas comme ça. C'est quoi ton problème? C'est le stress Oui, c'est le stress. C'est comme ça que ça marche, mais... Bah, va boire un verre, je sais pas, va te détendre, va fumer un truc. Non, j'aime pas l'alcool, j'évite. C'est pas bon, c'est pas Isley. J'ai du souvenir, est-ce qu'elle boit de l'alcool, Yasmine? Je sais pas si on a déjà eu l'occasion de boire... Normalement, on avait déjà bu ensemble. Ça a dû y arriver, oui, de toute manière. Du coup, je la regarde, je fais mais... Mais t'es sérieuse, là? Genre, il n'y a pas plus tard que hier qu'on a bu ensemble. Qu'est-ce que tu nous fais, là? Écoute, oui, d'accord, oui. Oui. T'avais un plan, du coup, c'est ça? Et je te dis, elle a une musique, soit elle est tombée quand elle a passé le balai hier, sur la tête. Non, écoute. Ouais, là, il faut que on s'occupe de nos affaires. On a des trucs à régler, mettre en place, avec l'argent qu'on a réussi à faire, il y en a beaucoup. Donc maintenant... Il faut qu'on mette en place notre organisation. En espérant, comme je vous l'ai dit, qu'il n'y ait pas un truc qui nous tombe sur la gueule. On va faire comme si. On va tous mourir. Et déjà, moi ce que je vous proposerais... Alors, je sais pas exactement combien on a en argent, MJ. On en a beaucoup. Assez pour acheter un immeuble. Ah bah je sais pas, vous tu dis pas ouais, mal... ça y est. Vous avez pas mal d'argent, en effet, après vous avez plus de promesses d'argent que d'argent. Vous avez déjà eu des premières venues, mais on va dire que vous en avez qui doivent venir encore et voilà, encore. Voilà, donc là, concrètement, au niveau thune, ce qu'on a eu là, ça nous permet de faire quoi en termes d'achat plus ou moins important? Et donc, tu me parlais par exemple du bâtiment, donc des autres étages du Hour Alibi, enfin du bâtiment sous lequel se trouve le Hour Alibi, j'imagine. Oui. Vous avez sûrement la possibilité de le racheter si vous négociez bien, si vous savez bien faire là, mais on va dire que ça pourrait être dans vos moyens. Tu vois ce que je veux dire? Faisable, mais... reste à savoir combien vous voulez vous retrouver encore à la fin. Voilà. Alors, soit on part du principe qu'on achète le bâtiment pour avoir du concret et tout toute la place qui soit vraiment à nous. Ou alors on reste avec notre boui-boui et on essaye de l'aménager un peu plus. Mais dans ce cas-là, le reste de l'argent, enfin ce qu'on aura comme argent, va permettre à acheter du personnel. Mais du personnel, on va dire, différent. Des hommes de main. Qui vont bosser pour nous. Comme vous voulez. Je pense que c'est bien d'avoir un clé. On va se libérer les gens, comme on avait dit. C'est le nouveau plan, là, c'est la priorité actuellement. Deux. Faire libérer les gens de Blackgate. Tu veux pas asseoir un peu le business d'abord? Enfin. Pour moi, les hommes de main, ils vont venir de là. Les hommes de main, comment est-ce qu'on les garde? On les garde grâce à l'argent. Donc l'argent qu'on a actuellement, il doit nous servir à avoir encore plus d'argent. Justement, il faut pas confondre deux choses quand on veut faire une armée. Il y a les fantassins, les commandants et les lieutenants. Et nous, ce qu'il nous faut, c'est pas des fantassins. C'est des lieutenants. Des lieutenants. T'es malin, toi. T'as des cuvées. Bon. On rappelle que je suis bien l'alcool. J'ai peut-être un plan un peu fou à vous proposer. Nous parle bon, pas de ta, de ton truc là de fou là, hein, s'il te plaît. Hein? Surtout, j'espère que tu vas pas nous dire qu'il faut aller libérer les fous de... Ouais. Non, on reste sur les gars de Blackgate parce qu'ils seront moins un prisonnier que tu libères. T'es lié par lui par l'honneur et par le fait que si jamais tu veux le renvoyer en prison, ça te prend environ 2 secondes. Un fou, il est trop imprévisible. Non, il est lié par l'honneur, par le chantage, mais aussi évidemment par l'argent, puisque on l'embauche derrière. Mmh. Non, moi, c'est la proposition un peu folle que j'aurais pour faire évader quelqu'un de Blackgate, enfin plusieurs hommes de Blackgate qui nous serviraient, et peut-être repérer les fameux lieutenants dont on parle, Marco, ce serait de s'infiltrer dans la prison. Soit avoir au moins une ou deux personnes en tant que gardien. Peut-être que Marco, si jamais JB pouvait lui trafiquer un faux CV ou autre, pour peu qu'il recherche un gardien ou qu'on fasse en sorte qu'ils en cherchent un, il pourrait se faire engager et ainsi repérer quelles seraient les bonnes têtes à faire évader. Qui sont les anciens, pas dirigeants, mais on va dire haut placés de gangs qui ont de l'expérience, mais qui sont plus rien parce que leurs gangs sont soit tous morts, soit tous à Arkham. Et qui rêvent que d'une chose, c'est plutôt que de passer la perpétuité, c'est de sortir, se faire de la thune et de nouveau être dans le coup. Et peut-être, pourquoi pas aussi même intégrer certaines personnes à Blackgate en tant que prisonniers directement. Et nous faire évader de l'intérieur avec d'autres personnes, avec les complices, les gardiens qu'on aurait comme complices. Dis-moi Marco, est-ce que t'es recherché par l'FBI ou Interpol? Vu que t'es sorti d'un pays qui est en guerre? Ou qui a été en guerre? Tribunal international de cour de justice de crimes de guerre de ex-Yougoslavie, ça compte? Alors... Je peux trafiquer un CV, alors... Faudrait que j'accède à une cellule d'Interpol dans le coin pour que je puisse lui en retirer ça, sinon il pourra pas passer. Ils avaient vraiment faire la différence entre deux Yougoviens. Mais... Surtout lui, s'il a été en crime de guerre, oui. Moi, j'aurais autre chose à vous proposer. Eh oui, j'ai une chose à proposer aussi. Mais vas-y. Allez-y, tout le monde propose. Vous voulez faire de l'argent? Et maintenant, on en a déjà un peu plus, donc on a les moyens d'acheter du matériel beaucoup plus performant. Et... des choses quand même d'un calibre plus professionnel. Si on s'attaquait à un plus gros butin. Et quand je dis plus gros butin, c'est beaucoup plus gros butin. On était allé au musée Flügelheim. Si mon souvenir est bien, c'est bien le Flügelheim. Pas si loin de Flügelheim, disons entre le Wayne Botanical Garden et le R.H. Kane Building se trouve un bâtiment qui proposerait, je pense, des sommes plus ou moins intéressantes si on arrivait à faire notre petit marché. Tu veux peut-être attaquer la bourse ? Non, c'est ce qui gère, c'est le bâtiment qui gère les échanges de diamants dans la ville. C'est géré par qui ça déjà ? J'en sais rien, à la limite je m'en fous. Tout ce qui m'intéresse c'est les diamants qui sont dedans. Ah. Si on arrivait à faire notre petit coup, tranquillou, avec le matos qu'on pourra acheter d'un tout autre niveau que ce qu'on a utilisé la première fois, là, on aurait vraiment d'énormes revenus. Et en plus, tout le monde achète des diamants. Je veux dire, c'est pas trop compliqué de revendre ça. Et toi, Marco, ton plan ? Moi, mon plan est très simple. Vous dites que vous voulez lieutenant. Moi, de lieutenant, j'en ai. Tout ce dont j'ai besoin, c'est un visa, une green card, et je vais rentrer dans ce pays. Tu veux leur faire confiance? Tu vas leur amener que t'es des criminels de guerre, là. Bon, on peut leur faire confiance, à tes gars. Honnêtement, je suis pas fan pour que la trois quarts de l'organisation devienne yougovienne. Qu'est-ce qui nous dit que vous allez pas nous trahir? Moi, ouais. Je suis pas d'accord avec Ruby, mais moi, ce qui me dérange, c'est le fait qu'il y ait marqué criminel de guerre sur le front. Tu vois ce que je veux dire? Mais enfin, ça va être. Tu préfères marquer criminel de guerre ou braquage, toi, foire, prise, tout ce que tu veux, mafia, non? C'est la même chose. Et concernant loyauté, je suis indigné. Car nous avons fait un pacte. Ici. Et sachez que dans la culture yougovienne, honneur est très importante. Promesse non tenue portée par elle sur plusieurs générations. Mes hommes, ce sont mes hommes. Ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et avec vous, j'ai dit, je travaillerai. Vous voyez là le petit junkie à côté de moi? Si jamais il n'y avait pas pacte, je lui aurais collé une balle entre les deux yeux il y a bien longtemps. Alors maintenant, si vous remettez encore une fois en cause ma loyauté et celle de mes hommes, préparez-vous. J'en suis à une condition. Mourir. Je pense qu'on peut faire un peu tout à la fois, dans le sens où exactement. Il faut clairement qu'on fasse un plus gros braquage pour plus de revenus. Mais en parallèle, il nous faut des hommes. Et les hommes de Blackgate, ils connaissent la ville. On a tout intérêt à aller les choper. Mais en parallèle, avoir déjà des personnes qu'on ramène de Yougovie et en qui on peut avoir faire confiance. Ce qu'expliquait Marco avec les fantassins et les lieutenants. Les gars de Blackgate, ça va plus. Si on arrive à faire une grosse évasion, qu'on fait s'évader sans prisonniers, ça va être des soldats. D'ailleurs, tout ça, c'est complémentaire. Il faut juste savoir dans quel ordre est-ce qu'on fait les trucs. Est-ce qu'on sous-divise ça entre plusieurs personnes? On fait des groupes qui s'occupent de gérer certaines choses? Est-ce qu'on les fait tous ensemble dans un certain ordre? À nous de voir. En fait, c'est exactement ce que je voulais proposer. Je te laisse finir. Pour faire le braquage, enfin pour être les maîtres de Gotham, il nous faut une armée. Pour faire l'armée, il faut l'évasion de Blackgate. Pour faire l'évasion de Blackgate, il nous faut argent. Pour argent, il nous faut braquage. Pour braquage, il nous faut homme. Et voilà notre plan, tout dessiné. Je peux aussi essayer d'appeler des gens qui sont des hackers aussi pour nous aider. Alors pour le braquage, ils ne nous serviront pas à grand chose. Là, clairement, il nous faudra ouvrir, il nous faudra remplir, il nous faudra nous casser. En système de hacker, on tatoie, donc on n'a pas besoin d'avoir non plus 5 ou 6 mecs qui vont faire la même chose. Maintenant, il reste à savoir si, toi Marco, combien tu veux faire venir de mecs. Parce qu'on ne peut pas faire venir trop de types non plus. Et pas. Je sais bien. Mais t'inquiète pas, j'ai pas non plus le souhait infini. Mais je pense que je peux avoir... 5 ou 6 personnes, peut-être un peu moins. Alors, je connais pas. Je suis en contact avec eux avec Forum MySpace. Je te propose quelque chose. On commence avec deux. Puisque il faut d'abord qu'on fasse ce coup. On commence avec deux. On sera déjà deux de plus pour le coup. Avec deux forces, disons, avec toi, ça fera trois, disons, personnes du moins préparées pour le côté physique et militaire, on va dire. Et en fonction de la réussite de combien on va ramener si tout se passe bien, eh bien là, on pourra déjà prévoir un peu plus de personnes et mettre en place tout ce qu'on a besoin de mettre en place. Est-ce que deux, ça vous va les autres? Je propose des motivations. Moi, ça me va. Je suis partant, mais il faut vraiment que je trouve une cellule d'Interpol, sinon on va avoir des gros problèmes. Ça fait 3 N plus 1 par arrivée, c'est bien. Ah, tu dis encore, toi. Par contre, Marco, je t'en supplie, Marco, ramène-nous des mecs qui ont la tête sur les épaules, pas des fous de la gâchette qui, au moindre truc, vont tirer dans le tas. Il nous faut quand même des gens qui ont un certain sang-froid. Non, t'inquiète pas. Non, je m'inquiète. Justement. Ils sont tous morts. Donc, je veux des gars de sang-froid et je veux des gars qui parlent notre langue. Ah. Oui. Oui, parce que j'ai pas envie de te demander une traduction à chaque fois, ok? Bah, tu dois bien trouver ça, t'y arrives un petit peu quand même. Oui, avant de partir, nous avoir fait cours avec... Ouais. Bon, ok, donc voilà, tu trouves ça. Deux qui sont... qui ont du sang-froid et qui parlent notre langue. Après, avec la thune qu'on a fait, on les fera venir. Et si vous voulez, je pourrais changer les papiers. Voilà. Après, de notre côté, pendant qu'on fera tout ça, pendant qu'on fera venir ces deux-là, nous, on peut déjà commencer un petit peu à repérer les lieux, se renseigner sur le Diamond's Exchange, voir les possibilités, surtout le matos dont on aura besoin pour faire le coup. Si donc vous commencez à rentrer dans les détails de vos opérations futures, vous regardez un peu avec Jean-Baptiste à quel point il faudrait tordre les lois internationales, modifier quelques papiers pour voir venir des amis de Marco. Vous essayez de trouver un peu les informations que vous pouvez trouver sur internet, par tel ou tel ami, peut-être que vous appelez votre petit informateur et homme à tout faire avec qui avait amené par exemple Jean-Baptiste à l'infirmerie, à l'hôpital quand il s'était fait blesser gravement. Vous croisez un peu toutes vos ressources pour savoir avec le Diamond Exchange, le magasin de diamants. Exchange, non, mais c'est ça, Exchange. Exchange. Ouais, j'ai du mal avec ça, je crois. Exchange. Voilà. Et voilà, histoire de regarder aussi au niveau de Blackgate, l'histoire des nombreuses émeutes qu'il y a eu à Blackgate, des nombreuses fuites qu'il y a eu de Blackgate, et aussi à quel point ils ont augmenté leur niveau de sécurité depuis encore et encore. Donc vous attardez un peu donc, sur tous ces petits détails techniques, et vous y passez au final un bon moment. Oui. Moi, de mon côté, j'ai surtout travaillé de mon côté, genre sur du papier, etc. Mmh. Et si on a une ellipse de la nuit, j'aimerais qu'avant qu'on se sépare, etc., je puisse aller voir Ruby et lui donner un petit bout de papier plié en quatre et que je lui demande de lui donner quand elle sera de retour. Mmh. J'ai le droit de le déplier ? J'ai le droit de le lire ? Ah, c'est si tu veux. Bah, techniquement, Xavier sera pas au courant si tu l'as ouvert ou pas. Je sais, mais je demande quand même par principe. Si tu veux. Je suis quelqu'un de qui ne cache rien, mon groupe. Très bien. Je le lirai quand j'en aurai l'occasion. Très bien. Bah, du coup. Je le dis pas l'oral, hein, je le dis au MJ. Ouais. Permission donnée, tu ranges donc le papier dans ta poche, en attendant d'être tranquille pour pouvoir le lire. Et c'est l'occasion pour un de vos hommes de main, Alex, donc le petit jeune, je vous rappelle, qui avait un peu quelques tatouages, ce genre de choses, qui se rapproche un peu de vous deux, du coup, Xavier et Ruby. Et qui vous dit, j'ai cru comprendre que vous aviez quelques petits problèmes, quelques soucis, il y a des tensions dans l'air, donc je veux pas vous embêter avec mes problèmes à moi. Mais j'aurais besoin de quelques petits conseils. Ouais. Ouais. Mmh, raconte. Alors, bon, c'est rien, hein, donc bon, si vous avez des choses plus importantes à faire, je veux pas vous embêter, hein. Y a pas de raison de perdre du temps avec moi, et je crois que je parle beaucoup. Mais bref. En fait, j'ai un problème avec Megan. Du coup, qui... En fait, pour vous dire, il y a quelques années, j'étais avec elle. Et ensuite, son père a envoyé des gars me tabasser. Et j'ai mal foutu, j'ai dû quitter la ville, mais en fait j'ai pas vraiment quitté la ville, puis les gars m'ont retrouvé à nouveau, ils m'ont menacé, alors cette fois-ci j'ai vraiment quitté la ville. Et depuis, en fait, je suis revenu quand j'ai appris que son père était mort. Et on s'est pas vraiment remis ensemble, pour ainsi dire les choses. C'est juste que, bon, on a survécu ensemble, quoi. On a fait coloc, on a essayé de monter un petit gang, ça a pas trop marché, mais bref, vous avez vu ça, quoi, de toute manière. Hein. Et du coup, on était juste amis, et en fait, moi, ça me va pas comme situation. Pourquoi ça te va pas? Parce qu'elle est... Elle est bien. Enfin, elle est... Ouais. Non mais pourquoi ça répond? Si t'es pas capable de mettre des mots là-dessus, je pense qu'elle est pas pour toi. Bah je sais pas. Attends. Mais c'était qui son père pour être aussi violent? C'est quoi ce genre de type là? C'est... Je vois les noms. Je lui proposais fille. Besoin d'autres pour le faire mariage. Ça a été nécessaire. Il a fini à moitié Hugo, viens lui. Mais là, il y a que Ruby et Xavier, enfin, ouais. Yasmine, du coup. Oui, nous, on n'est pas là. J'aurais aimé. Il y a moyen que de temps en temps, il y en ait un d'entre vous qui sorte de la pièce arrière pour aller boire un café, prendre un café ou une boisson dans le truc avant où ils discutent, mais voilà. Écoute-toi, Marco, il veut juste essayer de donner la nationalité à ses potes. Ouais, clairement. Ok. Voilà. En fait, elle est intelligente à sa manière. Enfin, elle est astucieuse, quoi. Et elle est... Et donc ça passe bien entre nous. Et quand je suis avec elle, je me sens assez bien, tu vois. Genre, encore mieux qu'avant, parce que cette fois-ci, j'ai pas à avoir peur de me faire tabasser. Mais je me sens très très bien, tu vois. Ok, je pense, bon, on verra, mais je pense qu'il faut que tu tentes, ouais. Va lui dire et... En fait, le problème, mais... tu devrais marquer une différence entre le côté boulot et votre côté perso, donc invite-la dans un resto ou invite-la au bas de pizza ou un... Non, peut-être que pas pizza, c'est pas assez chic, peut-être prendre un truc un peu plus cool quand même. Moi, faut que tu la fasses rêver, hein. De l'argent, de la classe. Ouais, donne un petit restaurant chinois, vas-y. Et puis, si tu veux, je pourrais aller lui en toucher deux mots, mais sans dire que tu nous as parlé, tu vois, juste histoire d'eux, tu vois. J'aimerais bien. Alors, après, la situation est un peu plus compliquée que ça, encore une fois. Oh. Parce que justement, vous parliez de la séparation boulot, tout ça, mais en fait, aujourd'hui. Il y avait un peu de monde au bar. Et du coup, vous étiez pas là, donc vous avez pas pu le remarquer, mais il y avait du monde. Il y a même des gens qui demandaient pour le coin tatouage, mais comme t'étais pas là, je leur ai dit de repasser. Mais en gros, il y a une femme. Oui. En fait, il y a une femme qui est passée, qui a demandé une boisson et tout. Et en fait, elle était. Il y avait du monde au balcon. En fait, vous savez comment ça marche, l'instinct, tout ça. Enfin, peut-être que non, parce que du coup, voilà. Mais je travaillais, mais c'est difficile, disons, de contrôler les micro-mouvements des yeux. Et du coup, je regardais le fond de la pièce, je regardais les clients, et puis soudainement, je plongeais, et puis je regardais ailleurs, et puis... Voilà, et en fait, le problème, c'est que, Megan, elle faisait le service avec moi, et elle a remarqué aussi, et elle a rien dit, mais elle a arrêté de travailler, et elle est partie, et je l'ai pas revue depuis, et j'ai peur que... Mais il faut qu'elle comprenne aussi... Moi, je vais dire qu'après, on a un problème quand même. C'est compliqué si nos employés commencent à mater nos clientes. Ah non, mais j'ai pas maté, c'est juste, tu sais, c'est les... Par contre, c'est une faute professionnelle, ça, par contre. C'est les pertes de... On va se contenter d'un blâme pour cette fois. Non, étant donné que t'es venu nous en parler, on t'en tiendra pas rigueur, mais... Ouais. Ouais, mais faut faire gaffe à ça. Hein. Ouais, oui, mais non, mais... Notre boîte a des valeurs, hein. Tu sais, c'est important. C'est pas grave, si jamais on te vire, tu deviendras tueur à gage. Je suis pas sûr que j'en fais pour le métier. Bon, au pire des cas, tu sais quoi, tu vas la voir. Comme je t'ai donné une adresse d'un bon restaurant chinois que je connais à Chinatown. Et tu lui dis ce que t'as sur le cœur, voilà. Et tu lui dis juste le truc que tu recommenceras plus à mater. Et là, tu nous le jures, tu arrêteras de mater les clients. On parle pas du truc de mater du tout. Ouais, par contre, il aime beaucoup. J'arrive à justifier, alors vous êtes même pas encore ensemble, c'est foutu. J'arrive de loin. C'est bon, vas-y, fonce. C'est bon, arrête de nous écouter, fonce, vas-y maintenant, cours. J'arrive maintenant... de loin. Non, attends, parce que j'ai pas fini mes heures en fait, mais si non, vous voulez, je peux. Non, mais c'était une façon de parler. Ah, d'accord. Moi, bon, j'arrive de loin. Je prends la discussion en cours et je les entends parler de ça. Vous parlez de quoi, là? Non, rien, c'est une histoire de saint et de... Ouais. De vas-y, fonce, tu dois foncer où, toi? Non, il reste là. Non, c'est tu finis. C'est juste que comme il n'y a plus personne qui va te payer pour me tabasser, maintenant, voilà. De tabasser? Pourquoi tu veux que je te tabasse? Parce que c'est... Parce que c'est déjà... Quoi, t'as fait un truc à la petite? Non, c'est pas comme ça que je voulais dire. Non, c'est-à-dire que... maintenant qu'il n'y a plus interdiction... De m'en approcher sentimentalement, je voulais réessayer. Non mais t'inquiète, c'est Pi, aujourd'hui il est sur les nerfs, il essaie de démarrer tout le monde. Alors, autant son père est plus là, je te l'accorde. Mais si jamais... Tu fais le con avec elle, j'aurais pas besoin qu'on me paye pour ça. Tu vas avoir compris. Tu veux être une nouvelle autorité paternelle de famille, de petite. Donc toi, offrir d'autres pour pouvoir marier à Pi. $5,000. Ah bon, ouais, je vais bosser. Hop, ouais, d'accord. Parle à plomb, laisse-nous discuter tranquillement. Je dis juste à l'oreille, on en reparlera plus tard tous les trois, quand les autres ne seront plus là. Ce sera plus pratique. Ça commence à partir dans tous les sens. Entre celui qui le menace, celui qui cherche le profit. mais je fais quand même une tape dans le dos quand il part en mode allez champion. Tu vas y arriver. Ok. Yes, ok. Tu le fous. Et du coup, il passe. Quand il s'en va, je dis à Yasmine, ou Xavier, en tout cas, je sais pas à ce moment-là. Yasmine, du coup, de ce que j'ai compris, qui est de retour. Je lui dis simplement, faudra qu'on le surveille. Si jamais il se prend un râteau et qu'il se met à déprimer et à écumer les bars pour oublier son chagrin, faudrait pas qu'il en dise un peu trop sur notre organisation. Oui. C'est les petits jeunes instables comme ça, j'en ai vu 2-3 craquer et avoir la langue bien pendue. Après, normalement, je crois qu'il y a une clause de confidentialité, de toute façon. Non. C'est pas comment oui, vous avez fait votre il truc, me semble mais... que sous l'article de la batte de baseball. Il est sous contrat. Oui, il est sous contrat, il est en CDI. Bah, le Miami existe vraiment. Est-ce que ça, je pense, c'est une vraie boîte, votre truc. Si vous n'avez pas le droit votre de vendre. Truc, oui. Notre c'est truc. C'est même toi qui. Oui, c'est même toi qui a fait signer le contrat. Ah, d'accord. Eh, ok. T'es sûr que t'es pas tombé dans les escaliers la dernière fois? Non, non, non, mais la plupart du temps j'arrive à suivre, mais c'est juste quand c'est un gros stress, j'ai tendance à. Tu devrais aller te coucher là. Ah, pas su les je te conseille, va te coucher. Non, mais j'ai fait ce que j'avais à faire, je vais me coucher, c'est une année demain. Je pense aussi, ouais. Oh, pareil. Mais tu me fais peur, donc évite de toquer à ma chambre, s'il te plaît. Non! Mais... Bah, pourquoi je toquerai à ta chambre? Je sais pas. Ça va? Ah bien, donc. Excuse-moi. Louis. J'ai un problème avec cargaison. Tu peux venir parce que j'ai des trucs qui sont mélangés là. J'aurais besoin de toi. Ouais, pas de soucis. Merci. Bon. Ça va, Louis? Ouais, tout va bien. Merci de m'avoir défendu tout à l'heure. Ça fait plaisir de voir qu'on peut avoir confiance les uns les autres. Et c'est pour ça que, tu vois, même si au début j'ai peut-être été un peu rude, je te suis avec l'histoire des Yougoviens. Il n'y a rien de plus important que la famille et les liens qu'on peut tisser entre nous. C'est bien. Est-ce que tu veux boire quelque chose, Rémi? Bon, ah bah écoute. Avant de la déjà, c'est moi, je vais. On dirait la même chose que toi. Mais très bien. Mais je te préviens, je te suivrai pas, peut-être pas plus loin qu'un verre. Hein, parce que vous, les Yougoviens, vous avez. Une résistance que nous, simples Américains, n'avons pas. Allez, Frost. Et après, c'est moi qui vide le bar. Frosty. Ruby, drink avec moi. On dit Frost. On dit Bovien. Frost. Frost. Avec un F. J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Oui. Entre nous, Ruby. Mm-hmm. Et moi, tu as réussi à attraper quelque chose dans la cargaison. Pourquoi tu veux savoir ça? Parce que si c'est le cas, nous sommes riches. J'ai envie de jouer ça au GD, parce qu'en tant que joueur, pour moi c'est un piège, mais mon perso, disons qu'il a un petit verre dans le nez, qui fait confiance à Marco, et puis qu'il a vu Marco tenter de voler aussi, donc il pourrait se dire que voilà. Écoute, si tu veux le jouer, tu peux le jouer à la pièce si tu veux, ou tu peux le jouer au pouvoir, enfin au volonté. Donc tu m'as dit à la pièce en mode pile ou face ou volonté? Ouais. Volonté, ça dépend. Je pense que je prends pile ou face, c'est assez clivant, c'est pas mal. Ok. On va juste mourir. En place du joueur. Ça, je vais utiliser un jeton de poker de Shadowrun normalement, avec la face qui représente, on va dire le truc cornu, c'est-à-dire que j'avoue tout, et puis le logo, on s'en fout. Je dis rien. Non, franchement. Vraiment ? J'ai rien récupéré. Et puis, après tout, je vous l'aurais dit, quoi. D'accord. Oui, je serai jamais un millionnaire, moi, je crois. Mais t'inquiète pas, l'ami. La richesse viendra quand même. Très bien. Sur ce, je vais aller aux toilettes. J'avoue que l'alcool a tendance à me donner envie de pisser. Oh. T'inquiète. Et lorsque je vais dans ces dernières, tu sais, je soulève le truc derrière et je regarde si ma merde est encore dedans, là. Si j'ai encore ma espèce de semi-grenade ou je ne sais quoi. En effet, elle est toujours là et elle n'a pas pris l'eau ou quoi que ce soit. Elle a l'air d'être très compacte, donc il n'y a pas de moyen de s'infiltrer ou quoi que ce soit. Tu sais, je la prends vite fait et genre, j'ai presque un flash, tu sais, de Marco en train de me noyer la tête dans la cuvette pour avoir menti au groupe alors qu'il parlait d'honneur tout à l'heure. Et je me dis, putain, ce truc va me mettre dans la merde, faut que je m'en débarrasse. Je le prends, et tu sais, je soulève la cuvette, c'est comme si j'allais le jeter dedans. Et j'hésite. Et non, je sais pas quoi en faire. Je sais pas quoi en faire. Cosette qui veut que je joue ça à pile ou face. En vrai, on pourrait jouer à ça à pile ou face. Ah, ça fait quand même un peu beaucoup. En même temps, le perso a fait un achat critique dans la Batcave, hein, quand même. Ok, je le vois un peu traumatisé tout ça. Non, je vais la laisser pour cette fois. Et son sort est encore assez incertain. Je vais retourner dans le bar et je pense que je vais descendre la bouteille. Très bien. Une fois que je rentrerai chez moi en titubant, sauf s'il y a d'autres scènes qui arrivent après. Il va se passer une dernière chose en effet. Ok, d'accord. Bon, le projet actuellement, c'est de rentrer chez moi en titubant et de sortir la machine à tatouage et de me marquer 2-3 trucs sur le corps. Je vais essayer de faire une référence à chacune de nos missions et de compléter un petit peu l'arborescence de tout ça. Ce qui est absolument pas une bonne idée, hein, au cas où je me ferais attraper un jour. Mais actuellement, il y a plein de trucs qui sont de base, de toute façon, pas des bonnes idées. C'est donc le plan. Pour l'instant, t'es un peu accoudé au bar, du coup, et tu t'enfiles donc ouais. Les bouteilles, comme tu voulais le dire. Les autres, vous êtes en train de réunir les derniers petits détails de des prochaines étapes de votre grand plan machiavélique, tandis que Yasmine et certains d'autres, enfin Xavier et certains autres, commençaient à se dire que du coup, ils allaient pouvoir rentrer dans leurs appartements et aller se coucher. Cependant, sur ces adieux que vous vous faisiez, enfin ces adieux, ces promesses de se revoir... Des bonnes nuits, quoi. Voilà, des bonnes nuits. On toque à la porte du Hour Alibi. On toque, et pas seulement comme quelqu'un qui serait poli, voudrait toque que ce soit, on toque comme si c'était quelqu'un de pressé. C'est presque plus paniqué que autoritaire. Je vais ouvrir la porte. C'est moi qui étais au bar. J'ai servi un verre à... Oui. Je vais ouvrir la porte. Ok. Tu arrives donc à la porte et tu l'ouvres. Et de l'autre côté de la porte... se trouve Voka. Votre cher ami Voka, accompagné d'un homme de main, les deux sont habillés dans des espèces de tenues d'hiver avec des espèces de grosses moumoutes sur la capuche et ce genre de choses. Voka, en réalité, a même un style très différent que celui dans lequel vous l'aviez déjà vu. Il s'est rasé les cheveux, il s'est rasé la barbe. Il n'y a que la forme de son visage et son visage lui-même qui vous indique que c'est bel et bien Voka. Et il vous dit « Laissez-moi rentrer, laissez-moi rentrer !»« Viens prendre un verre. » Il rentre, il est suivi de son homme de main qui est un gars comme les autres. C'est pas un des deux colosses dont il était accompagné lors de votre rendez-vous que vous avez eu, c'est juste un type, a priori, dans la même tenue que Voka, qui lui aussi s'est rasé le crâne, la barbe s'il en avait eu un jour. Pour qu'il se ressemble un peu de loin, a priori. Et tandis qu'il se dirige vers le bar, vers une des chaises du bar, il vous dit « Ces espèces d'enfoirés, quelqu'un m'a vendu !» Il se saisit d'un des verres, sûrement même le verre de Ruby qui est juste à côté, du coup il lui prend le verre et il en boit un d'un coup, en cul sec. Bon. On dirait que la malédiction de Gotham, ça va. Ça va, mais... J'espère pour vous que vous avez la bonne volonté de respecter la réputation de votre bar et que ça reste un terrain neutre. Bien sûr. Toute personne qui rentre dans Mayalibi est sous protection horrible. Il n'y a pas de fusillade, pas d'attaque... Tout le monde repart sur internet. Si je commençais un peu à me perdre dans l'alcool et tout, mais voyant le sérieux du truc, j'essaie quand même de me reprendre. On est quand même des professionnels. Je me sers un grand verre d'eau et j'essaie de faire profil bas, mais on va dire, voilà, je suis maître de mes moyens. Très bien. C'est quoi ton problème ? Un gars m'a vendu et quelqu'un qui en savait beaucoup. Sûrement un des mecs que je devais avoir le plus confiance. Ils en savaient beaucoup trop. Ils ont été racontés à The Whale ce qu'on s'était mis d'accord de pas raconter à The Whale. Avec des détails qu'a priori vous-même vous saviez pas. Et que vous m'en avez pas parlé. Mais c'est donc jamais. Quand on m'a vendu, Et maintenant, The Whale veut ma tête. Donc en gros, il faut te faire sortir, quoi. C'est ça? C'est déjà réglé, ça. Non. Alors, t'as besoin de quoi, ici? Maintenant, ce qu'il nous faut... C'est dans 3 heures que les gars arrivent. Ils vont pouvoir me faire quitter la ville. Mais entre-temps, il me faut un coin où me planquer. Et vu que vous avez votre réputation, que je sais pas à qui je peux faire confiance... The Whale, je sais pas, n'est pas au courant du Aor Alibi pour l'instant. Il en est pas au courant. Donc il a pas aucune raison de venir par ici. Alors, je pense qu'il a même pas l'idée que ça ait réouvert. Écoute, pour ma part, ça pose pas de problème. Et pour vous? Donc on reste neutre. Donc on reste neutre. Et quand ça commence à puer, si ça commence à puer, on le fout dehors. Après, honnêtement, c'est juste quelqu'un qui est venu boire un verre dans le bar. Nous, on sait pas qui c'est. Mais donc, bon, mais Alibi, on peut inviter n'importe qui. C'est pas le problème. Ça fait partie du principe. Mais Voka, c'est vraiment ce que tu comptes faire. T'enfuir. Sans résister, sans battre. Je suis désolé, mais j'en ai un. J'ai fait trop de conneries pour avoir l'occasion de me battre. Avec The Whale, on déconne pas. Tu sais très bien comme moi que ici, tout le monde te déteste. Pardon, excuse-moi. Tout le monde déteste The Whale. C'est pas comme s'il était en train de prendre la contrôle de tout le quartier. Et qui s'était pas fait ennemi avec tous les habitants qui l'habitent. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je devienne un héros de la résistance? Non. Est-ce que tu aurais des informations utiles déjà? Qui pourraient nous être utiles? En même temps, on n'a plus rien à perdre. Je pense que vous devriez le laisser se reposer quelques minutes quand même. Parce que là, je crois qu'il était en train de courir, non? Oui, enfin bon, ça va aller, t'es assis. Passez-moi encore un verre et on peut discuter. Tiens, bois. C'est la déjà. C'est toujours bien de s'entraider. Un peu d'aide d'un côté, un peu de ton aide de l'autre. Si on est amené à devoir coexister avec tout ce monde-là, des informations utiles pourraient nous être... nécessaire. Excusez-moi. Voilà, j'ai rien à perdre, c'est vrai, dit-il avant de se retaper un verre. J'ai rien à perdre, mais... Ah, j'ai peut-être des trucs à gagner, enfin. Là, j'ai Écoute envie moi, de dire... Que... Regarde-moi. Ouais. Aide-moi. Unir les camarades, les Irlandais, les Jamaïcains, les Mexicains, les musulmans, et je te rendrai ton quartier et ta bande. Mais pour ça, il va falloir que tu m'aides. Je peux pas vous aider comme ça, il me reste que 3 heures avant de dégager. Je crois que je vais faire le tour des quartiers pour leur dire que c'est vous les nouveaux patrons. Non. Bien sûr que non. Tu vas pas t'en aller. Tu vas rester. Et tu vas venir avec nous voir chacun des quartiers. Et tu vas nous aider à former une coalition. Et nous allons bouter The Well or Darkham City. Je peux mettre un holà quand même, Marco. Calme-toi. C'est un peu trop rapide, ça. Marco, calme-toi. Sache que nous, on est censé être neutre. S'il commence à venir chez nous, on risque d'avoir des gros problèmes. Je pense qu'en réglissant, on peut déjà se poser la question de savoir ce que tu peux nous dire. Je pense déjà une bonne conversation qui nous prendra peut-être une petite heure. Et après, selon la pertinence de ce que tu dis, on pourra voir les autres points. Mais déjà, on peut discuter. Ouais, on peut discuter, oui. Encore un verre? Encore un verre. Encore. Il prend du coup un petit verre et puis il vous regarde et fait « Vous voulez pas en prendre un avec moi ?» Avec grand plaisir. J'en prends un. Ah bien. Je sers un peu pour tout le monde d'ailleurs. Je prends l'équivalent bah, du coup de 5 verres et je sers. Très bien. Il s'enfile le verre sans aucun souci. Alors qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que j'ai à dire? Déjà pour commencer, j'espère que vous êtes fait des amis dans le coin parce que maintenant que je suis plus là, ça va être la merde dans le quartier, croyez-moi. C'était ma réputation, c'était mon ancienneté qui faisait que même si tout le monde détestait The Whale, tout le monde respectait The Whale. Là, ça va être chacun pour soi. Chacun va vouloir prendre un petit morceau, que ce soit dans votre petite zone neutre là, ou entre eux. Croyez-moi que les balles vont fuser. En tout cas, soit ça, soit The Whale vont envoyer tous ces gars prendre la zone de manière presque militaire, mais j'en doute. Moi, qu'est-ce qui a valu de te faire partir? C'est quoi l'information? Qu'est-ce que t'as fait pour qu'il te chasse? Les informations. Alors, ils ont eu une liste déjà pour la forme de toutes les saloperies que j'avais fait à l'époque du pingouin. Prendre un peu d'argent par-ci, par-là. Peut-être donner quelques informations à certaines d'autres personnes. Et pour The Whale, le fait qu'il recevait la moitié des informations de ce qui se passait dans le quartier, le fait que je me faisais presque le double de la part qui lui revenait à lui. C'est le pire dans cette histoire, c'est qu'en plus c'était même pas volontaire de ma part, c'est juste fait petit à petit. C'est... On commence à se faire des petites parts comme ça, sous le pingouin, on se dit qu'il est vieux, qu'il va bientôt crever, et qu'il faut bien avoir un peu de capital pour prendre la suite. Puis, en effet, le vieux pingouin, clams. Génial. Et puis t'as un mec, plus jeune, qui prend la suite. T'as même pas le temps de faire le moindre coup pour devenir important. Ça y est. Alors tu dois te mettre à genoux, tu dois l'implorer de te garder avec lui. Malgré le fait que ta réputation était déjà pas géniale. Et puis, t'es pris. Et comme tu dis que tu vas sûrement te faire dégager à la prochaine purge, vu la réputation que t'as, tu te dis, bon, bah, je vais prendre un peu d'argent avec moi pour dégager. Et puis la purge vient jamais. Ou en tout cas, t'es épargné. Alors tu te dis, bon, bah c'est la prochaine. Alors tu prends encore un peu d'argent, et au final, bah... Au final, tu deviens un génie du crime sans le vouloir. Donc t'as beaucoup d'argent, là, ouais. J'ai pas mal d'argent, ouais, après... ce que j'avais comme argent sur Gotham, c'est foutu, hein. Il y a sûrement déjà tout qui est récupéré, ou ceux qui s'en occupaient vont pas vouloir me le passer. Mais pour ce qui est de ce que j'ai pu mettre hors de la ville, ça ira. Et tu veux vraiment abandonner tout ça? Oui. Non, certainement pas. Boca, tu le sais comme moi. L'entièreté des gangs de ce putain de quartier, The Whale, il peut rien face à eux. Et toute l'entièreté de ces putains de gangs, ils savent que The Whale, il va débarquer avec son armée un jour pour tous nous rétablir. Donc, l'entièreté des gangs, ça sera pas difficile à se coaliser. Ce qui sera difficile après, c'est quand la coalition va casser. Quand tout le monde voudra prendre sa part du gâteau. Donc maintenant, moi, je te propose une nouvelle place dans cet ordre à Arkham City. Non, même, je te propose ta légitime place. Ta place que tu as voulu. Ta place que tu mérites. La place pour laquelle tu t'es battu. Ça, on pourrait faire. Et crois-moi que ce mec qui pilote tout depuis Blue Devon, que je connais pas, ça doit être le plus grand caïd de tout ça. Il ne pourra rien s'il ne se met. Au cas. Tu es comme moi, tu viens de l'Est. Tu le sais très bien, l'union fait la force. Mais dans une union, il y a des gros, des petits. Et quand l'union casse, c'est toujours les gros qui l'emportent. Alors, si jamais tu veux assister à ce partage entre les Mexicains, les Irlandais, nos amis slaves, tout ça. Aide-nous à le renverser. Aide-nous à coaliser tout le monde. Et crois-moi, on va se faire un paquet de thunes. Et vous me proposez d'être quoi là-dedans au final? Le chef de Tonga. Les pêchés du Gobblepot, comme d'habitude. Ton petit quartier, tout ça. Avec les gars. Et puis, écoute, tu feras ce que tu veux pour t'agrandir. Tu t'apprends sur l'islam ou sur les musulmans à côté. Tu feras ce que tu veux. Et moi, s'il te plaît. Dis-moi, s'il te plaît, mon cher Marco, un petit jet donc, de pouvoir avec négociation. Il me semble que tu as négociation. Oui. 13. 13. Ok, pas mal. Du coup, tu vois, il te regarde, il a l'air d'être peut-être intéressé. Il fait encore un verre, tout le monde? Moi, j'ai arrêté de boire. Ça ira pour moi. Décision. La petite nature. Je suis un peu méfiant, je trouve ça chelou qu'il nous demande autant de verres, j'aime pas. Yasmine. Pas à l'aise. Yasmine. Je suis. Oui. Va chercher la Ladija, la petite bouteille que j'ai mis en bas là, dans l'escalier. Mmh. On arrête de faire vite de la pisse, on passe aux choses sérieuses. J'espère que tu sais ce que tu fais. Je sais ce que je fais. Très bien. Donc la Radija est finalement posée sur la table. Chacun, tous ceux qui se sont portés volontaires ont un verre et, encore une fois, Voka l'enfile. Il a l'air d'avoir une sacrée résistance quand même. Vous commencez à peine à voir vraiment les effets de quelqu'un qui aurait pris pas mal de verres juste maintenant, ce qui n'est pas mal. Voilà, Voka. Bah, c'est qui... Est-ce que... Avant de parler ce qu'on peut faire, il faut déjà parler de ce que vous avez. Vous avez des amis, des vrais amis, dans le coin. Des gens qui vont déjà se mettre dans notre petit truc. Les premiers jeunes que je suis allé voir naturellement, c'est mon camarade du Nord. On va dire que... Ils savent que je suis une personne de confiance. Et j'ai déjà travaillé avec eux. Maintenant, je ne veux pas te mentir. Je ne suis jamais allé voir les gens de Kingston. Je ne suis jamais allé voir les gens de la mosquée. Je ne suis jamais allé voir les Mexicains. Toi, tu les connais, ces gens-là. Des fois, ils t'aiment, des fois, ils ne t'aiment pas. Mais regarde-moi dans les yeux et dis-moi qu'ils ne sont pas capables de comprendre qu'ils vont tous crever parce que vos cas... pardon, pas vocal. The Whale va arriver avec sa putain d'arrêt. Ah, j'ai trop l'habitude. Excuse-moi. Ça, y a pas de rancune. Bon, si vous avez les slaves là, déjà, c'est sympathique. Si vous les avez dans vos bons petits papiers, c'est bien. Les Ukrainiens, eux. Ah, ils me suivront, ils feront ce que je leur dirai de faire, je pense, pour la plupart. C'est des gens comme toi, comme moi. Ils vont pas suivre quelqu'un qui n'est pas des nôtres. Exactement. Sinon, pour le... Excusez-moi d'interrompre votre conversation, vous parlez beaucoup du long terme et du moyen terme et des choses sérieuses qui sont clairement les plus importantes. Mais sur le très court terme et pas important, est-ce que vous avez mangé ce soir? Est-ce que vous avez un endroit où dormir si vous ne partez pas? Est-ce que votre téléphone a bien été rechargé si jamais on a des prises à disposition? Est-ce que vous avez besoin de quoi que ce soit? Tant qu'à faire affaire, autant que ça se fasse dans le confort le plus optimum. Non, j'ai rien du tout. Rien du tout. Là, bah, si vous voulez mon téléphone pour charger, le voilà. Je lui branche. Juste, branche-le là, juste à côté, histoire que j'ai pas de... que je puisse voir les messages si... Ouais, bien sûr, pas de souci. Et puis pour le logement, on peut lui libérer un des trucs au-dessus qu'on a. Pas de souci. Comme ça, bon... En plus, on n'avait pas racheté une partie de l'immeuble. Enfin, on avait... Pour l'instant, on n'a pas fait d'achat plus bon, ce qui était sinon, prévu. Sinon, je file ma chambre et puis moi, je me démerderai, j'irai dormir chez... Bon. Écoute. J'irai dormir avec Yasmine, tiens. Ok. Là, je te propose quelque chose de concret. J'ai fait venir, j'ai projeté de faire venir plusieurs mecs de la mère patrie. Donc, je vais commencer avec quelques mecs. Pas beaucoup, pour voir, parce que mes associés, tout ça, ils veulent les moraux, je comprends tout ça. Mais on va dire qu'une fois qu'ils sont arrivés, on a un projet. Marco, je peux dire un truc, s'il te plaît. Tu es mon associé, parle librement. Mais prends garde à ce que tu vas dire. C'est ton associé, pas le nôtre. C'est vrai, tiens, avocat. Moi, je te fais preuve de confiance, mais qu'est-ce que tu peux faire comme signe de confiance pour mes associés? Signe de confiance. Je peux vous mettre directement à votre service les derniers gars qui me restent fidèles. Vraiment fidèles. Donc pas tous les Ukrainiens, tout ça, ça je sais pas encore où est-ce qu'ils se placent, mais... J'ai une dizaine de gars qui me suivent encore pour le moment. Si vous les voulez, on peut faire quelque chose dès ce soir. Monsieur ? Moi, ce qui me dérange, c'est que... Moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils se cassent comme ça et qu'ils nous disent correctement qu'il a volé du fric. En espérant que la purge n'arrive pas. Donc, ça me dérange énormément. Moi, mon vote sera non, donc les autres, je vous laisse faire ce que vous voulez, mais... Moi, quand j'entends une personne comme ça, c'est un traître. Il est traître, on ne travaille pas avec. JB ? Bon, déjà, ça, je vois cas que je suis pas absolument pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. Et crois-moi que si j'avais pu, je l'aurais exécuté depuis bien longtemps. Mais nous avons fait un pacte. Et que tu sais, en Yougoslavie, l'honneur, c'est important. Donc... L'honneur. Je tourne la tête dans la direction de Voka. Je détache mon regard du téléphone. Et je dis... C'est quoi les noms de tes gars sûrs? Alors, tu veux les 10 noms? Bah, les noms de ceux qui te sont fidèles. Après, tu peux les marquer sur un papier si tu veux. Comme ça, on les oubliera pas. Parce que... Ouais. Bah, passez-moi un petit... Je lui passe une feuille, ainsi de suite. Ok, bah du coup, il note. Il écrit des trucs. Vous avez une suite de prénoms et de noms. Il y en a que 7 des noms. Mais il vous dit, voilà, et les autres... contacteront les autres, ils se connaissent entre eux, il y a des frères, des cousins, c'est la famille. Quoi. Ok, ça marche, merci. Et je repars à mon téléphone. Moi, ce qui est sûr, c'est que les Irlandais, ils iront pas, ils suivront pas, quoi que vous vouliez faire. Ils ont déjà fait les fous quand ils étaient amis avec les anciens propriétaires de votre petit bar, là. Ils ont essayé de faire des saloperies aux anciens pontes et ça leur est retombé dessus. Depuis, ils filent droit. Donc ils se risqueront pas à une petite révolte comme vous en voulez. Les cartels, là, bah, c'est compliqué. Ils sont jamais trop d'accord avec eux. Il faut dire qu'ils se sont entassés. Autant qu'ils soient cubains, qu'ils soient mexicains, que ce soit, ils finissent tous là-dedans. Donc il n'y a pas vraiment de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et pour ce qui est là des Arabes de Little Medina, difficile à dire, hein, même jusqu'à présent, ils sont restés un peu de leur côté. Ils font affaire, mais ils sont refermés sur eux-mêmes. Pour Kingston District, bon, honnêtement, j'en sais rien. Ils sont dirigés par un espèce de fou furieux. C'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'il veut faire du jour au lendemain. Faudra en juger. directement sur le moment. Et les mecs du sud, ils sont loyaux à The Whale? Quel mec du sud? Bon, tu sais, c'est, on va dire, ces mecs un peu plus costard, cravate, et qui parlent un peu comme ça, maqué. Ah, les Italiens. Oui. Les Italiens, ils ont leur propre truc. C'est pas The Whale, c'est pas Black Mask, c'est les Italiens. Ah oui, non, mais tu sais, Pizza Lala, Listen, Gotham Casino, tout ce quartier. Ah, ça, oui, non, ça c'est des... Avant, c'était italien, mais maintenant, c'est tout ce qui est blanc et pas slave. Mais ouais, tout ça. Mais c'est principalement des camés. Tu leur proposes quelque chose qui les fera saliver, ils seront là. C'est pas les mêmes mecs que ceux du réservoir, non? Non, les réservoirs, c'est même pas la peine de leur parler. Oh, si ça peut te rassurer, par rapport à nos capacités, c'est nous qui avons pris d'assaut le réservoir. Vous avez foutu un sacré bordel, dis donc. Oui. Mais avec quelques flingues et un petit peu de pyrotechnie, tu sais, ces mecs-là, on peut facilement les effondrer. Mais je te sens qu'on languine un petit peu, là. Écoute-moi, avocat. Moi, je... Voilà. Toi, tu es d'accord pour ce marché. Ça t'intéresse. Voilà. Juste... Mes associés ont besoin de savoir et mes associés ont besoin de dire s'ils sont d'accord ou pas. Dis-moi ton avis. Moi, je suis pas d'accord. Avocat, principal intéressé. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Moi, je suis partant, mais il faudra quand même que je quitte la ville au plus vite pendant un certain temps et que je revienne ensuite. Au moins, le temps que ça se tasse un petit peu, qu'ils arrêtent de me rechercher très activement. Mais oui, je peux contacter mes amis si vous voulez. Entre-temps, on verra ce qui en ressortira. Mais faites attention, du coup, parce que je ne sais pas qui est... Tant que je les aurais pas vus moi-même, je ne saurais pas qui est tant de confiance que ça aujourd'hui. Je me tourne vers... Mais je suis pour. Très bien. Je me tourne vers Pi. Tu sais, je décolle un petit peu mon regard du téléphone, même si j'ai toujours un petit peu la tête dedans. Ouais. Très bien. Si je me tourne vers Yasmine. Vous voyez me lever. C'est un pari risqué, Marco, mais... Ok. Je suis partante. Vous me voyez me lever, en fait, j'attrape un paquet de cigarettes sur le comptoir et j'allume une clope et je sors du Haro Alibi. Je vais à l'extérieur. Ok. Et enfin, je me tourne vers Ruby, ou plutôt ce qu'il en reste, j'imagine, après cette grande beuverie. Moi, je sors avec... Je pars voir un... Comme dit, de toute façon, j'ai pas envie de prendre les décisions de comment on va suivre notre groupe. Rester en retrait, ça me va très bien, et la direction qu'on prend, je vous fais confiance. Alors j'en suis. Eh bien, avocat, je pense qu'on peut dire qu'on est associés. On peut dire ça. Il te serre la main. Il va pour choper un peu son téléphone et il dit... Je vais vous passer quelques contacts immédiats dont je suis sûr cette fois-ci de la loyauté le temps que je quitte la ville. On rediscutera plus en détail de toute l'étendue de notre histoire quand je serai de retour. Nous, juste, on a un boulot qui va nous permettre aussi de amasser beaucoup de choses à faire. Amasser ce qui nous permet de préparer tout ça parce qu'il faudra bien sûr de l'argent. Donc si jamais tu peux nous mettre quelques-uns de tes gars les plus sûrs avec nous pour ce boulot, n'hésite pas, ce sera bienvenu. Je vais faire ça. Marché conclu. Il se met du coup un peu à vous lister, il écrit sur quelques papiers où il vous le dit à haute voix avec vos propres téléphones un peu, ce qui quelques numéros intéressants du coin. Pour ce qui est du côté de Pi, qui est rejoint a priori pas si longtemps que ça par Jean-Baptiste juste après. Vous sortez donc du Hour Alibi dans le froid. On commence à voir les premières lueurs du matin, il faut dire que vous avez été actif toute la nuit. Et dans le fameux parking, où il y a à peine un ou deux mois, Voka était venu vous menacer avec ses hommes et son et un de ses gros véhicules, se trouvent cette fois-ci d'autres véhicules. J'avance dans leur direction, la clope au bec, tranquille, et j'essaie de voir si déjà il y a notre gars sûr qui est dans le secteur. En effet, sortant d'un des véhicules, Looney Royal sort, donc pour rappel, donc un type qui a un certain âge tout de même, des lunettes dont les verres sont rouges, habillé un peu comme un homme de tous les jours qui serait à la retraite, ce genre de choses, un peu tranquille avec un gros blouson, un pull en dessous. Il sort d'un véhicule et il arrive vers toi. Il est le seul à avancer vers toi ou quoi que ce soit, j'imagine. Tout à fait normal. Et il attend que tu prennes la parole. Je suis pipé, mais je reste très silencieux. Ouais, salut. Bon alors, t'as réussi à le faire venir ? Pas en personne, évidemment, mais les gars, lui. Ok. Mais il est au courant. Tu crois que ce serait possible de l'avoir au moins au téléphone ? Pas le voir, mais juste avant que ça se passe. C'est faisable, oui. Tu vois qu'il se retourne, un peu à quelques degrés, il fait quelques signes à un type dans une des bagnoles qui arrive. Il se pose à côté de lui. C'est un type habillé un peu vraiment un peu comme une espèce de gangster moderne, mais du coup habillé un peu pour l'hiver. Looney, du coup, lui dit que tu veux parler à The Whale. Tu vois que le type a l'air un peu contrarié, peut-être un peu inquiet d'avoir à déranger son patron. Mais du coup, il sort son téléphone, il passe un numéro. Il parle, il échange quelques mots et puis il passe le téléphone. Bonjour, monsieur The Whale. Ouais, bonjour. Je suis déjà ravi de pouvoir vous parler. C'est un honneur pour moi. Comme vous en rendez compte, j'ai cru comprendre que vous aviez eu un petit souci avec l'un de vos collaborateurs et il s'avère que... Fais-moi plaisir, épargne-moi les formes, tout ça, la politesse. Viens-en droit au but. Je sais déjà ce que vous avez et ce que vous m'offrez. Oui, en tout cas, voilà, on veut rester un business tranquille, neutre, et de ce qu'il est en train de dire à mes collaborateurs, qu'il le faut un peu patienter en attendant que vous arriviez, il avait envie carrément de foutre le bordel dans le quartier, donc pour notre business, c'est pas le mieux, et pour le vôtre non plus, donc j'ai préféré vous prévenir. Ok, qu'est-ce que vous voulez en échange de lui ? Déjà, s'assurer notre tranquillité à votre égard, si cela est possible. Et puis, accessoirement, peut-être par moment, si vous avez besoin de nos services, n'hésitez pas à nous contacter. Ok. Indépendance garantie jusqu'à nouvel ordre. Pour ce qui est de la suite, on aura sûrement l'occasion de se rencontrer autour d'un verre et de discuter plus sérieusement de l'avenir. Eh bien, ma foi, c'est parfait. Si vous voulez garder votre établissement en bon état, faites-le sortir parce que ça risque de fusiller. Ok, d'accord. Bien, écoutez, je vous l'amène. C'est un plaisir d'avoir fait un verre avec vous. Et il raccroche. Et de même. Bah, il raccroche avant même que tu lui répondes. Ouais, voilà. Donc je rends le téléphone à son gars et je me dirige vers le en Libye. J'amène du coup JB avec moi. On rentre à l'intérieur et du coup je suppose que lui est en train de faire son truc avec son téléphone ou ses conneries. Ouais, il a déjà fini de donner un peu tous les contacts et là il est en train de s'enfiler de nouveau un verre. Ouais. On est en train de boire joyeusement. Ouais, ouais, super. Écoute, que diriez-vous d'aller faire le petit rituel de... Comment dirais-je d'officialisation d'accord. Dehors, j'ai mon petit coin spécial pour ça. Écoutez, comme ça, on finalise tout. Et après, ben, vous pourrez vous... Enfin, tu pourras partir avec tes gars quand ils arrivent. Mais viens, viens, viens, viens. Je le prends parce qu'il a picolé. Moi, j'ai pas bu. Voilà. Je suis tout frais. Donc, je le retiens par l'épaule quand tu le prends. Et je te regarde avec des yeux. Pas. Mais t'inquiète pas, confiance. Marco. Arrête, Marco. Comme si j'allais te la jouer à l'envers. Allez, viens. Pi. Quoi? Regarde-moi bien. Oui, quoi? Tu me la joues à l'envers. C'est ce qui va se passer si tu me la joues à l'envers. Allez, hop. Assis-toi et nous on sort. Donc j'y reste et là, on arrive. Là-dessus, je vais lâcher. Je vais le lâcher. Mm-hmm. Et je vais les suivre jusqu'à la porte. Très bien. Qui d'autre donc veut les suivre jusqu'à l'extérieur? On sait jamais si vous voulez. Moi, je suis naturellement, sachant que dans ma tête, je me dis, mais c'est un truc de fou ce qui se passe. Moi, je n'ai pas compris ce qui était en train de se passer. Ouais. Je vais me servir un dernier verre et je vais aller fumer une clope dans les toilettes. En passant un peu de l'eau sur le visage, pensant que la journée est terminée et que tout est bien fini, tu vois. Je me dis, tiens, donc je pense que je vais lui laisser ma chambre et ouais, moi je réfléchis où est-ce que je vais dormir ce soir. Ok, très bien. Yasmine ? Moi j'ai le même truc de. J'ai pas vraiment compris ce qui vient de se passer là avec Marco et Pi. Et honnêtement, j'avoue que je suis très mitigé sur ce qui est en train de se passer, mais d'un autre côté, Marco m'a plutôt bien convaincu, donc je suis en mode. J'ai l'air géré, je vais rester au bar et je vais attendre que tout ça se tasse. Et très bien. Nous avons donc Pi, Marco, Jean-Baptiste, Voka et son garde du corps improvisé qui sortent donc à l'extérieur. Et la porte donc s'ouvre, vous montez les espèces de petits escaliers vu que je vous rappelle que l'entrée du bar Alibi est en sous-sol. Enfin, en contrebas, je sais pas comment. Alors, ce que je vais faire... C'est que je vais me placer un peu, genre, je vais laisser un peu monter Voka et son mec devant. Moi, je suis le gars qui est juste devant, en fait. Enfin, je suis juste derrière son garde du corps, donc ils sont tous les deux à monter devant moi. Derrière, je dois voir Marco et ouais. Pi qui. Enfin, et Pi, c'est moi. Et JB qui me suit. Donc, je les laisse. En fait, en gros, je les laisse sortir. Ok. Okay. Donc ils sortent, ils montent les escaliers et a priori Voka s'arrête en fait, juste à la dernière. Je le pousse avec mes bras et donc pour qu'il se balance et moi je me rebalance vers l'arrière pour faire tomber tous mes collègues dans le fond de l'escalier quoi. Donc tu fais ça, tu pousses du coup le garde du corps vers les hautes, vers l'extérieur, vers le plus loin possible, entraînant a priori Voka dans sa poussée vers la rue, tandis que toi tu te jettes en arrière. Marco et Jean-Baptiste, vous avez Pi qui vous tombe dessus, qui vous fait rouler dans l'escalier jusqu'à la porte entrouverte qui est en bas. Et vous n'avez même pas vraiment l'occasion de vous poser la question de mais qu'est-ce qui vient de se passer, qu'est-ce que tu fais Pi, parce que vous êtes plutôt happé par les bruits d'armes à feu. C'est vraiment pas juste avec des petits flingues qui tirent, c'est avec des armes mitrailleuses ou ce genre de choses. Et juste, vous voyez au-dessus de vous des morceaux du béton du bâtiment qui du coup sautent dans tous les sens. Vous avez quelques vitres au-dessus qui pètent dans un appartement. Heureusement, c'est pas les appartements dans lesquels que vous avez vous. Mais quelques vitres qui pètent. Et